DJ Snake sur Fun Radio. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio depuis 20h. Et Emily est avec nous. 21 ans de long, oui. Emily qui va bosser là bientôt. C'est ça, Emily, hein? Oui, c'est ça. Dans 2 minutes, 22h, ouais. Je prends le boulot. On voulait te remercier, Emily, pour cette soirée que tu as passée avec nous. On laisse toujours le mot de la fin à l'auditeur du soir. Ce soir, qu'est-ce que tu as envie de dire, Emily? Déjà, c'est à moi de vous remercier d'avoir donné de la chance d'animer avec vous pendant 2 heures sur l'une des plus grandes radios de France. Et voilà, c'est comme un rêve pour moi. Donc, c'est super gentil de votre part. On va trop mignonne. On va chialer, Emily. Vous voulez des mouchoirs ou ça ira? Ça ira. Emily, tu vas bosser là. Bon courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup. Passez une bonne fin de journée. Une bonne fin de soirée à vous. Ah oui, une bonne fin de journée. Oui. La journée commence. Ouais. Je bosse de nuit, donc voilà. Exactement, bien sûr. Bon courage. Tu termines à quelle heure? À 4 heures, c'est ça? À 6 heures du matin. Okay. À 16h du matin, bien sûr. En 6h. J'ai 100 km pour rentrer, c'est top. Bon courage à toi. Et bravo, Emily. Il y a des gens courageux, c'est bien. Salut, gros bisous, Emily. Gros bisous. Ciao, ciao. Et rendez-vous dimanche soir. On sera bien là, sûr, comme tous les dimanches. Du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Et du dimanche au jeudi, 22h minuit. On va retrouver Marion et Anso. Bonsoir, Marion. Le Night Show. Bonsoir, la cavalcade. Bonsoir. La cavalcade. Salut. Festival, une farandole ce soir nous attend. De l'humour, un brin d'humour. Et beaucoup de facéties. Ah, très bien. Il y aura des gags. Des gags à gogo. Folichon de gags. Non, ça c'est pas ça. Je sens qu'on va bien s'amuser. Oh là là, on s'enjaille ce soir avec Marion et Anso, le Night Show, jusqu'à minuit. Je vous propose de rester, Karel, pour beaucoup de galéjades. Eh bien, je reste, vous écoutez. Bonne émission. Bisous. Je rentre, j'ai mon poney qui m'attend. Salut les filles. Et à vendredi, on fait la teuf ensemble. Hein. Bien sûr, c'est prévu. Bisous. Salut. Hey, vous voulez rire et vous amuser? Non mais ça c'est beaucoup trop Disney Channel en fait. On voyait plutôt un truc du genre bonhomme quoi, genre Gladiator. D'accord. Au 21e siècle après Jésus-Christ, Marion et Anso. Non, toujours pas non. Essaye un truc plus événementiel, cérémonie quoi, genre les Oscars un peu. Ok, ça marche, je peux le faire. Ladies and gentlemen, du dimanche au jeudi, de 22h à minuit. Non mais là on n'y est pas du tout, là c'est naze. Fais-nous un truc du style du dimanche au jeudi, 22h minuit. Enfin tu vois quoi, avec un ton qui nous ressemble. Ah ouais d'accord, ok. De tous les soirs, 22h minuit. Ah mais voilà, mais c'est totalement toi Marion. Mais bravo monsieur la voix off, je suis super contente. Non. La barbe hein. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the Night Show. Marion et Anso. Le Night Show sur Fun Radio, blablabla. Bonsoir les meufs, bienvenue sur Fun Radio, c'est Marion et Anso, le Night Show, effectivement. Alors, cette intro, on va la garder donc. Tout ce qui est foutage de gueule de ma personne. Ah bah moi, j'aime bien quand on se moque de toi plus que de moi, du coup. D'accord, merci Anso. Bon, soyez les bienvenus en tout cas, on espère que vous avez passé un bon jeudi, une bonne rentrée surtout là pour tous ceux qui étaient concernés aujourd'hui. On va évidemment en parler ce soir, on va se marrer ce soir, alors je sais, il y a le foot à la télé, mais vous inquiétez pas, on va vous donner des petits points là de temps en temps. Il y a 2-1 pour la France. Ouais, France-Italie. Voilà. Ça sent bon, on peut dire, hein, les garçons. Ouais. Amir, toi qui es foot. Ça sent bon. Mais je pense qu'on va gagner ce soir, c'est sûr. D'accord. Voilà. Donc restez avec nous. Secret Story, c'est pareil. On va vous dire qui sort, qui reste. Vous inquiétez pas, ça se passe ici dans le Night Show, la soirée. Bonsoir Anso. Bonsoir. Bonsoir la France, bonsoir les beurs, bonsoir à tous. Comment ça va? Très bien, je suis en pleine forme. Ah, passé une bonne journée? J'ai passé une très bonne journée et voilà, il se passe rien de fou dans ma vie, mais c'est très bien. Ouais, d'accord. T'as fait quoi la nuit dernière? Non, mais j'ai rien fait. J'ai rejoint des potes boire un verre. Et voilà, c'est tout. D'accord. Et pourquoi tu as mal au dos comme ça alors aujourd'hui? Hein, la France veut savoir. J'ai rejoint un pote. Hein, ça va. Voilà. On peut pas avoir de vie privée hein, dans cette émission, c'est pas possible. Donc tu t'es remis en selle quoi? Oui, je me suis remise en selle. Et c'était pas Paul. Voilà. C'était pas Le garçon qu'on t'avait sélectionné pour ton speed dating, c'était un autre. Ouais. Ok, bon bah moi si tu veux savoir, j'ai passé une bonne journée, j'ai rien fait de tout ça. Mais par contre Enzo du Standard m'a refilé sa maladie, donc si vous trouvez ma voix un petit peu changée, c'est normal, je commence à la perdre. Oh, il est chiant. Mais il est pas foutu de nous donner 10 balles lui, mais alors dès qu'il y a une maladie, il nous la refile quoi. C'est pas possible. Bon ce soir en tout cas dans l'émission on va retrouver le Pokélost, hein. Vous venez piéger papa ou maman et vous leur faites croire que bah, vous vous êtes perdu simplement en jouant à Pokémon Go. C'est drôle parce que les parents s'énervent assez facilement et puis en plus vous allez pouvoir gagner votre iPad mini, donc 0,1,40. 42 48 5000. Vous venez faire de la radio avec nous, rejoignez-nous, on est une bande de potes là tous ensemble. C'est tellement bon de faire les fions avec vous tous les soirs. Ouais, et c'est bon d'écouter du bon son aussi, on aura The Chainsmokers ce soir. Pas facile. C'est tellement bon The Chainsmokers. Et alors, rien à voir, on aura aussi celui qu'on adore dans le night show, c'est Willy William. 1, 1. Willy William qui avait d'ailleurs rasé un sourcil d'Amir l'année dernière. Enfin, il n'avait pas rasé un sourcil, il avait juste fait deux traits comme lui. Oui, ouais, c'est vrai, c'est ça. C'est pas pareil. Hein. Elle exagère tout le temps. Marseillaise, toi, c'est ouf. Hein. Ça va, Bichon. Ça va, et vous, les filles, vous avez passé une bonne journée, en tout cas, j'ai l'impression. Ouais, oui. Bah, tranquillou, et toi? Eh bien, écoutez, sachez qu'aujourd'hui, je suis tombé sur une application, les filles. Ah, quoi? Une application plutôt étrange, mais j'avais envie de la tester. Oui, on vous rappelle qu'Amir nous présente une application tous les soirs parce qu'il est complètement connecté. Exactement. Alors, est-ce que un jour, Anso, par exemple, tu aimerais matcher avec Leonardo DiCaprio, avec toutes les stars hollywoodiennes, avec Jean Dujardin, j'en sais rien. Bah, si je peux choisir Ryan Gosling, je serais pas contre. Eh bien, sache que c'est possible. Alors, raconte comment. Il y a une application qui s'appelle Raya, R-A-Y-A. Oui. C'est un Tinder qui est, on va dire, qui réunit le gratin des créateurs. Ça peut être de la mode, de la presse, des blogueurs, des blogueuses, des youtubeurs, des animateurs radio, télé, bref. Oui, mais partout Amir, dans le monde. Ouais, je la connais cette appli, mais elle n'est pas accessible aux gens lambda. C'est que les stars entre elles, tu vois. Excuse-moi, je vous fais découvrir une appli. Ah oui, d'accord. Non, mais il faut quand même préciser aux gens, Anso, par exemple, elle pourrait pas matcher avec Leonardo DiCaprio. Eh ben, tu sais pas. Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais parce que c'est que des gens de ouf, genre des stars hollywoodiennes. Je t'emmerde. C'est pas que des stars. Il y a beaucoup d'animateurs télé-radio. Ah bon? Bah bien sûr. Je l'ai vu encore l'article. Là, je l'ai lu. C'est un Français qui l'a essayé pour te dire. Parce que moi, j'avais testé pour voir s'ils allaient m'accepter et ils m'ont jamais accepté. Ah bah tu sais quoi, je vais faire le test. Ouais, essaye toi. Je suis très vexée. Et donc il y a des gens qui ont 4000 followers sur Instagram. C'est basé sur Instagram. Et ils ont 4000 followers et ils sont acceptés. Ouais. Donc vraiment, ça veut rien dire. Alors en fait, il y a deux solutions. Soit ils te disent oui, la porte est ouverte et du coup c'est bon, c'est le Graal. Ou alors ils te disent que tu es en liste d'attente. Qui veut dire que c'est mort? D'accord. Bon, bah, je vous propose de faire un point tout à l'heure, voir si je suis en liste d'attente ou pas. Ok, ouais, on fait comme ça. Bon, en tout cas, Amir, tu restes sur les réseaux sociaux, Marion Enso. Attention, je reparle. Merci, bonsoir Thibaut Alaréa. Coucou. Ça va, Bichon? Ouais, ça va super bien. Bon, vous savez, je pense à vous qu'une seule fois par jour, mais ça dure pendant 24 heures. Oh non, attends, et Thibaut Alaréa, dis-moi que tous les soirs, tu vas nous trouver une petite phrase comme ça. Bah, ça vient naturellement, je réfléchis pas. Enfin, c'est un beurre. Enso, standard, essaye de faire mieux. Aujourd'hui, je me suis fait arracher une dent et j'ai pensé à vous. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Parce que j'ai eu mal et quand je suis loin de vous, j'ai mal au cœur. Oh, oh, c'est pas mal. Enso qui donc accumule les galères. Ouais. Hein, déjà une trachéite, après une dent arrachée. Ça va? Tu t'arrêtes là ou ouais, on continue? C'est... Bah là, je vais me faire arracher la jambe demain. D'accord. Ouais, et sans anesthésie, hein, on m'a fait signe. Ok. Bichon, t'es prêt pour accueillir les gens avec Yannick au 01 42 48 5000? Yes, je vous attends, les gars. Et présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît. Alors, c'est Laurent, il a 34 ans, il habite à Paris, et lui aussi, il a fait sa rentrée aujourd'hui. Mais il est prof. Ah, bah oui, en même temps, 34 ans, à moins d'avoir beaucoup redoublé. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, les filles. Bonsoir, les beurs. Ça va, Laurent? Ça va, et vous? Ouais, ça fait plaisir d'avoir un prof. Ah bah, il faut, hein. Alors, raconte-nous, Laurent, t'es prof de quoi? Prof de maths, au collège. Et alors, comment ça s'est passé aujourd'hui pour toi? Alors, plutôt bien, jusqu'à que j'arrive au collège, que j'ai ma première classe, et que dans ma première classe de 6e, j'ai un enfant qui est tellement stressé, un petit élève, qui s'est fait pipi dessus. Oh non. En même temps, sincèrement, c'est assez... c'est un gros cap, hein, quand même, la 6e. Hein. Ah non, c'est... Tu rentres dans l'école des grands, tu vois, tu sors de l'école primaire où t'étais le grand, ouais. Et là, tu te retrouves tout petit, quoi. Mais alors, comment t'as fait pour gérer ça, toi, en tant que prof? Bah, le truc, c'est que déjà, on a essayé de calmer l'atmosphère qui commençait un peu à le vanner. Et puis, bah, après, on fait appel au pion et tout ça pour faire sortir l'enfant. Et puis, bah, après, c'est nettoyage et on reprend après le cours. Bon, après, l'enfant n'est pas revenu. Il reviendra demain et puis voilà, quoi. Non, mais lui, il va vivre la pire année de sa vie. Ouais. Bah, déjà, il va avoir un surnom, c'est sûr. Ouais, ce serait quoi compliqué. Bah, pause pipi, je sais pas. Un truc. T'as une idée? Non, bah non, c'est pour ça que je voulais te mettre dans la merde. J'en sais rien, tu nous diras comment il s'en sort après tout ça. Ouais, pas de soucis. Et bon, tu lui dis de nous appeler si ça va pas, hein, Laurent. Pas de problème. Bon, ça marche. Oh, le pauvre. Merci en tout cas, Laurent. Ça s'est bien passé à part ça? À part ça, nickel. On essaye d'avoir toujours de canaliser les élèves et de les mettre dans la bonne ambiance, d'être cool, parce que c'est des sixièmes, il faut pas trop les mettre sur les nerfs dès le départ. En tout cas, je trouve qu'il a l'air plutôt cool pour un prof de maths. Mais, non, ouais. Parce que c'est vrai que les profs de maths, moi, dans mon souvenir, c'était quand même les gens les moins sympas. Non, c'est les profs d'histoire les pires. Ouais. Bon, c'est tous les profs. Laurent, on t'embrasse. Merci de nous avoir appelés. Bonne rentrée à toi et puis bonne continuation sur la route de l'éducation. Bon courage. Merci beaucoup les filles. Bisous. Bisous, bisous. Bisous. Salut. On voulait parler justement de la rentrée avec vous tous, puisque c'était aujourd'hui pour la plupart d'entre vous. Il y en avait aussi qui sont rentrés la semaine dernière. Bah, venez nous raconter les tanasses de la rentrée. Il y en a plein. 01 42 48 5000. Exemple. Ah bah moi j'en ai vécu, j'avais toujours un cartable tellement gros que je tombais. Bah oui, mais on était hautes comme trois pommes aussi, bah faut oui. dire. Venez nous raconter, on se marre en évacuant comme ça les tanas. 01 42 48 5000. On se retrouve juste après Cachemire sur Fun, c'est la top. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your Marion et Anne Soul Night Show, et bah c'est tous les soirs du dimanche au jeudi. Et demain soir, sachez qu'on va faire la teuf pour l'anniversaire d'Anne Soul. Ouais. Ça va être bien sympa. Je vous donne pas l'adresse évidemment, ce serait trop facile. Mais en tout cas, on va vous faire plein de snaps, plein de vidéos, plein de photos pour les réseaux sociaux. Et on vous racontera tout dimanche soir. Et puis je voulais vous tenir au courant, la Amir des réseaux sociaux nous parlait de l'application Raya. Oui. Voilà, bah, j'ai pas été acceptée. Voilà, voilà. Ah non, voilà. C'est soi-disant une application qui permet aux stars de se rencontrer entre elles. Et effectivement, il n'y a pas que des stars, mais par exemple, les autres, c'est des chefs d'entreprise, des gens quand même. Qui ont une certaine cote, et moi ils m'en refusaient aussi, donc on n'est pas des stars, que veux-tu. Ils acceptent pourtant plein de gens. Bah là ils mettent thank you for interbot, je comprends rien. Mais moi je peux peut-être vous... non je peux pas, je connais une star française qui est dessus, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah si, mais c'est Louane. Ouais, c'est Louane. Il y a pas qu'elle, hein. Oh là là. Patrick aussi. Patrick, qui est Patrick Le Bruel, le patoche. Ah, d'accord, mais elle balance quoi. Ouais, ouais, non, en même temps, ouais, c'est ça, je sais pas. Bon, en même temps, il y a pas de secret, ils ont le droit d'être sur des applis de rencontre. Ouais, ils mais sont bon, peut-être en couple, non? Mais les gars, venez sur Tinder, comme ça, tout le monde peut croquer. Ah, quoi. T'imagines, ouais, en même temps, personne te croit. Si t'es pas très Bruel, tu vas sur Tinder, on dit que c'est un fake. On te signale même, je crois. Ouais, c'est clair. Mais il y avait une star française qui était sur Tinder. C'était qui? Il y avait la meuf de Superbus, je crois. Il y a Norman aussi, il y a plein de gens. Ouais, il y a pas mal de gens. Il y a beaucoup d'animateurs radio français aussi. Ouais. Ah ouais, j'en ai connu, j'ai une pote, une meuf là qui était sur Tinder l'autre jour, et elle m'a montré, elle m'a envoyé une capture d'écran, elle m'a dit, hé, tu le connais lui? Ouais. Bah en même temps, je suis sur Tinder aussi moi. Bah oui. Bah oui, bah du coup. Tout le monde a le droit d'y aller. Hein. Et puis même, enfin, c'est marrant, même si t'as pas vraiment envie de rencontrer des gens, c'est quand même sympa. Ouais, c'est marrant. Pour rire. Voilà, pour se marrer. Pour chatier aussi, c'est cool. Oh, bon. Puis ça dépanne pour 2-3 autres. Je vous expliquerai. Bah. En tout cas, si vous êtes plus jeune là comme ça, n'allez pas sur Tinder, vous avez le temps vous. Hein. Je peux le télécharger, essayer là pour voir ou pas? De quoi? Tinder. Pour faire quoi? Bah, je sais pas, comme ça non. Pour rire. Allez, on parle de la rentrée avec vous et des Tanas parce que vous êtes nombreux à nous avoir envoyé des mails pour nous dire voilà, ça s'est pas hyper bien passé, il s'est passé ça, il s'est passé ci. Du coup, bah, on va en parler, on va se détendre. Bah, on a surtout eu Raphaël, Raphaël qui voulait en parler ce soir. Bonsoir, Raph. Salut les filles, salut toute l'équipe. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Rapapa, madame. Alors, Raph, t'as quel âge toi? 13? J'ai 13 ans, ouais. Ok, et donc t'es rentrée en quelle classe? Bah demain je rentre en quatrième. Ah, c'est dur la quatrième je crois. Bah pourquoi? Bah la quatrième c'est dur, enfin je sais pas, ça passe cette répute. C'est la troisième je crois, non? Tu vois qu'on commence genre l'Égypte et tout ça en quatrième. Ok. Genre histoire géo, non? Tu te rappelles de ça quoi? Mais ouais, ça, il me semble. D'accord. Et bah, Raphaël, l'Égypte, t'en as déjà parlé toi en cours? Ouais, en sixième. Mais ah, voilà. Mais alors toi tu reprends les cours que demain, Raph? Ouais, parce que aujourd'hui c'est la pré-rentrée des sixièmes. Ok. D'accord. Et alors qu'est-ce qui se passe? Bah en fait en sixième, mais j'ai été mise dans une classe bilingue allemand, donc ça veut dire que je fais allemand première langue et anglais seconde langue. Et en fait j'ai la même classe de la sixième à la troisième. Mmh. Et j'ai deux amis, mes deux meilleurs amis étaient dans ma classe par chance, et en fait les deux quittent le collège. Aïe. Donc je me retrouve tout seul dans une classe avec des gens avec qui je m'entends pas forcément. Oh. Et c'est la galère. Mmh. Ah ouais, mais ça arrive bichon. Tu sais, parfois je sais que c'est compliqué, mais c'est aussi l'occasion de faire de nouvelles rencontres et de sympathiser, de t'ouvrir à d'autres gens, tu vois. Ouais, mais ça fait déjà 2 ans que je suis dans cette classe, donc Et voilà. Oui, mais justement, si t'avais tes deux meilleurs potes, tu t'es peut-être pas rendu compte que d'autres étaient hyper sympas dans ta classe. Bah non, j'ai quand même essayé de m'entendre avec les autres, mais voilà. Ça va. Mais déjà, j'ai une question, Raphaël. Pourquoi t'as choisi allemand première langue? Alors c'est pas moi. Mmh. Bah, c'est qui? C'est mes parents. Ah oui, d'accord. En fait, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Quelqu'un a fait de l'allemand dans l'équipe là? Non, personne. D'accord. Mais j'ai fait du latin. Très grosse connerie aussi. Enfin, bon, bref. Non, c'est franchement pas mal pour bien apprendre le français. Ouais. Oui, mais ça te sert à quoi, le latin, après, plus tard? Culture G? Ouais, non, mais après, voilà, il y a deux écoles là-dessus. Il y en a qui kiffent, qui trouvent ça bien. Moi, personnellement, j'ai jamais kiffé, mais bon. Voilà, hein, c'est un choix. Bon, Raphaël, globalement, il va falloir que tu te fasses des potes, hein. Mais bichon, pourquoi ça passe pas avec les autres? Est-ce que c'est eux qui t'aiment pas trop? Est-ce que c'est toi qui as du mal? Bah, disons que moi, enfin, je suis... Je sais pas, je trouve qu'ils déjà en classe, ils sont... Je sais pas, j'ai l'impression... Enfin, ils arrêtent pas de... Je sais pas. En fait, je sais pas, ils sont immatures, je trouve. Enfin, selon moi. Ouais. Bon, après, en même temps, t'as peut-être d'autres potes dans le collège? Bah ouais, mais le problème, c'est qu'en cours, si je m'ennuie, j'ai personne pour faire dans mon sac, j'ai. Ah oui, alors dans mon sac, j'ai, c'est un jeu qu'on a lancé, enfin, un jeu qu'on connaît, hein, d'ailleurs, que tout le monde connaît. Oui, c'est le dans mon sac j'ai, c'est une histoire de mémoire, tout ça. En fait, on commence avec un mot, l'autre doit en rajouter un, ainsi de suite, sans perdre le début de la phrase. Mais bon, de toute façon, globalement, on joue pas vraiment à ça en cours, plus à la récré, quoi. Ouais, mais... Je sais pas, c'est quand même passé une année dans une classe, ouais. Voilà, où globalement, je m'entends pas du tout avec les gens, je me suis même parfois engueulée avec... Tu sais, c'est un an de ta vie, c'est pas grand-chose, t'inquiète pas, tu peux les voir à la récré, tes potes, et sans déconner, ça te permettra aussi de te concentrer un peu en cours, là. Ouais. Et j'ai des bonnes notes, hein, franchement. Bah tant mieux, t'auras encore des meilleures notes. Et peut-être que tu vas avoir de bonnes surprises, il y a des gens qui vont peut-être s'être détendus là pendant l'été, ce sera mieux, qui auront mûri, tout ça, donc te prends pas la tête, franchement, c'est pas grand-chose. Ok. Ok, et puis de toute façon, tu peux rien faire d'autre, bichon, tu vas pas changer de classe, tu vois, les poteaux, ils vont pas revenir, donc... Fais ton année tranquille et l'année prochaine ce sera mieux, ok? Il y a pas de petite meuf dans ta classe, Raph? Encore l'année prochaine, je suis encore dans l'autre classe. Ah oui, bon, encore 2 ans. Et elle a raison, Anso, il y a pas des petites meufs jolies? Si. Mais ouais. Il y en a des belles. Bon, moi, tu peux mater au moins. Le problème, c'est qu'elles sont très grandes et moi, je suis tout petit, donc. C'est normal. Il a un problème pour tout. Mais non, mais parce que les garçons grandissent. Enfin ouais, c'est après les meufs quoi, je pense. Non. Pas du tout, Amia. Ça dépend des gens. En troisième, j'étais le plus petit de ma classe. Oui, toi, ouais, mais il y avait des garçons qui étaient plus grands, j'imagine. Ouais, mais pas tant que ça. Les garçons grandissent après les filles. Amia, je savais pas que t'étais médecin. Mais non, mais c'est connu, les filles ont leur puberté bien avant les garçons. Ouais. Bon, c'est possible. Mais en tout cas, c'est pas grave. Nous, la taille, on s'en fout. Donc même si elles sont grandes, c'est pas pour ça que t'arriveras pas à pécho. Ouais. Ok, Raph. Ok. Est-ce que je peux faire une petite dédicace? Oui, bien sûr. Bah, je fais une dédicace à Stan, à tous mes potes et à Cyprien aussi, voilà. Et je voulais juste vous dire que je vous adore et que vous êtes les meilleurs. Et Oh, t'es trop mignon. Merci. Merci beaucoup. Allez, on t'embrasse. Raph, on t'embrasse. Salut. Du coup, bah, comme Raph, venez nous raconter vos tanasses à l'école. Moi, j'en ai une horrible. C'est quoi? Enfin, horrible. Mais je vous l'avais déjà raconté il n'y a pas très longtemps. Parce que j'ai redoublé ma sixième. Mm-hmm. Et en première année de sixième, il m'avait mis dans une classe gym. Alors que j'étais la seule à ne pas faire de gym, quoi. Ah, c'était merde. La pire année. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai redoublé, c'est sûr. Mais tu... c'est ça, ouais. Tu faisais quoi du coup pendant les cours de gym? Bah, j'essayais quand même de faire de la gym. Ah, non. Et puis en fait, j'arrivais pas, quoi. Et il n'y a pas des vidéos de cette époque? Bah, non. De tes cours de gym. T'es con, ouais, j'aimerais trop. Moi, vraiment, sans déconner, je rigolais pas tout à l'heure. J'avais vraiment un énorme cartable. Un truc, mais qui me dépassait de deux fois. Et je comprends pas comment les autres faisaient. Tu sais, ils avaient toujours le petit sac ispack qui va bien, trop stylé, trop petit. Et du coup, tout le monde se foutait de ma gueule. On m'appelait la carapace, des trucs comme ça. Oui, mais moi aussi. Bon, c'était très marrant, ça, en plus. Bah ouais. Désolée. Hein. Non, mais moi aussi. Mais c'est parce qu'on était toutes petites aussi. Alors, Marc, on n'a pas bien grandi. D'ailleurs, le docteur Amir, tu vas peut-être nous en parler. Quand est-ce qu'on va grandir avec Marion? Ah, vous, c'est fini, mais vous êtes déjà dans la forêt. C'est la fin pour vous, de toute façon. D'accord. Amir, est-ce que toi, t'as eu une tanasse de rentrée un jour? Ouais. C'était... Alors, quoi? Je me souviens, c'était en maternelle. Ah, et oui, d'accord. Quoi? Ça fait longtemps. Bah oui, mais je m'en souviens. Alors, et je devais lire le livre de la prof. Ouais. Et j'ai pissé sur elle. Mais non. Ah non, mais c'est vrai. Mais attends, à quel moment tu savais lire en maternelle? Oui, en dernière section. Ah bon, ouais. Moi, je savais pas lire, c'est le CP, on apprend à lire. C'est quoi, c'est ça? Bah, d'accord. Moi, je savais lire en dernière section. Pourquoi tu lui as pissé dessus? En fait, je sais plus si je devais lire. Ou elle lisait, c'est elle qui lisait, moi, je suis sur son genou. Mais parce que j'étais en panique. Non, mais c'est pas possible, t'as pissé. C'est pas une blague. En fait, tu t'es pissé dessus à toi. Ah oui, je me suis pissé dessus moi et j'ai pissé sur elle du coup. Parce que t'étais sur ses genoux? Oui. Ah, mais oh, qu'est-ce que c'est que ce cours malsain? Mais qu'est-ce que c'est que ce los? Les gamins, ils ont 3 ans, ils doivent lire des bouquins assis sur les genoux d'une prof. Qu'est-ce que c'est que cette anecdote? C'est ça, je me jure c'est vrai. Mal au ventre. Un jour j'ai vomi aussi. Parce que j'ai fait un coloriage et j'ai dépassé les lignes. Vous savez, on coloriait, on n'avait pas le droit de dépasser la ligne. D'accord. Et j'ai vomi parce que je me suis fait engueuler. Ah non. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais surtout, mais qu'est-ce que c'est que cet enfant? Ouais, mais j'ai eu des blocages psychologiques. Et si tu bouches, et quand tu vomis, si tu fermes ta bouche, tu forces à fermer ta bouche, ça sort par le nez. Bah oui, sérieux là, mais Amir. C'est vrai, ça va, j'avais 4 ans. D'accord. Il y a Raouf en tout cas qui nous a appelé de Lille. Bonsoir Raouf. Bonsoir les filles, salut toute l'équipe. Ça va Raouf? Ça va, tranquille. J'ai jamais entendu ce prénom, ça vient d'où? C'est algérien. D'accord, et bah bienvenue à toi sur Fun, mon pote. T'es rentré en quelle classe toi? En 4e. Ok, il y a une tanasse? Bah oui, en fait, ça m'est arrivé toutes les années précédentes et ça s'est arrivé aussi cette année. En fait, c'est que je suis le seul entre tous mes potes qui est demi-pensionnaire, quoi, et tous les autres, ils sont externes. Du coup, bah, quand c'est la cantine, je me retrouve tout seul comme un con à la cantine. Alors, Raouf, sache que ça m'est arrivé toute ma vie. De quoi? Que mes potes aient le droit d'aller manger dehors pendant que moi j'étais toute seule à manger à la cantine. Oh. Ah bon? Et du coup, je suis absolument traumatisée. Je sais pas si ça te fait ça, Raouf. Quand tu vois des gens manger seuls au restaurant, bah même si j'ai pas faim, j'ai envie d'aller manger avec eux. Ah ça bon? Me fait vraiment de la peine, les gens qui mangent seuls. Moi ça le fait parfois, mais pas toujours. D'accord. Mais attends, mais tu manges pas tous les midis tout seul quand même? Pas tous, il y en a où est-ce que des fois ils mangent à la cantine, mais ça arrive pas souvent, quoi. Ah, ouais, c'est quand, triste. Quand il y a des frites, quoi. Ouais. Mais tu peux pas te mélanger avec même des gens d'autres classes, tout ça? Si, des fois j'arrive à m'incruster dans un petit groupe, mais juste après je repars avec mes potes, du coup ils reviennent, quoi. Bon, allez, ça va, s'il y a que le moment de la cantine, c'est pas comme si t'avais pas de potes du tout, tu vois? Ouais, non, c'est que la cantine, ça va. Bon bah ça va, bichon, c'est une tanasse, mais c'est une petite tanasse. Ouais. Raouf, on t'aime. Bah nous aussi, moi aussi du coup je vous aime. On t'embrasse, mon bichon. Bisous Raouf. D'accord, bisous, bye. Bisous. Ciao. Il y a Alexis aussi à Pau qui est avec nous. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Ça va Alex? Ça va et vous? Ouais, très bien. Quel âge toi? 15 ans, ok. Quelle classe du coup? Là en CAP. Ah, en CAP, d'accord. CAP quoi? Vendeur magasinier, première année. Ah, tu vas trouver du taf toi, c'est sûr. Ouais, c'est cool ça. Et du coup, t'as eu ta rentrée aujourd'hui? Ah ouais. Et alors? Ils m'ont cassé les couilles. Pourquoi, Alex? Mais attends, comment te dire, j'arrive en cours, tu vois, et on commence à faire des maths. Mm-hmm. Et là, après, ils commencent à me dire, putain, c'est pas ça, c'est pas ça. Moi, je lui dis, oh, c'est bon, hein, c'est bon, vous lèchez les pieds aussi. Et du coup, après, j'ai commencé à m'embrouiller avec lui, et puis voilà, ça a fini par une exclusion. D'accord, mais attends, disons, tu elle est un peu fort, là, pour une première journée, non? Mais c'est lui qui allait un peu fort. Je vois pas pourquoi. Il m'a poussé à bout, hein, il m'a poussé à bout. Juste demandé de faire un exercice de maths. Bah après, il m'a dit que je servais à rien. Continue comme ça, je servais à rien. Alors. Ouais, mais parce que tu l'as fait ou tu l'as pas fait l'exercice? Ah, mais je l'ai fait. Ah bon? Et tu l'as bien fait, t'as réussi? Ah bah après, je l'ai bien fait, je sais pas si j'ai réussi, mais. Non, mais après, qu'il ait bien fait ou pas, il est là pour apprendre. Après tout, il est pas obligé de réussir tout de suite. Ah, et il a c'est des exercices aussi après de secondes, tu vois, c'est. Ouais, mais attends. C'est pas pareil. Il t'a vraiment dit comme ça, sans que t'aies rien fait, sans que t'aies répondu et tout? Il t'a dit, tu sers à rien. Ouais, bon, après, voilà, j'ai pas essayé de quand même de pousser le bouchon. Je me suis embrouillé avec lui. Ouais. Et après, je suis sorti. Tu t'es embrouillé comment? Il a l'air sanguin. Ah ben, tu lui as dit quoi? Je sais plus, mais bon, voilà. J'ai commencé à lui répondre, à lui dire, ouais. Ah, c'est ça, allez, et puis. Ouais. Allez. Bon. Alex, quand même, prends sur toi, parce que c'est important. Ah oui, je sais, c'est pour ça. Bon, après, ce prof-là, je vais partir à zéro, de toute façon. Et tu sais, on a tous des profs comme ça qui nous ont saoulés. Il faut faire avec. Voilà, ça fait partie du jeu. Et franchement, prends sur toi parce que c'est toi qui vas payer les conséquences sinon. Tu vois? Tu vas te faire coller. Sais, ouais. Donc, oublie cet épisode. Et puis maintenant, voilà, tu la joues profil bas. Même si c'est pas ta faute. Ok? Ok. Et n'hésite pas à aller me voir à la fin du cours pour t'expliquer. Comme ça, au moins, c'est détente, tu vois? Ouais, j'essaierai alors. Allez, on t'embrasse, moi, Alex. Bon, est-ce que je peux avoir un patron? Ouais, bah, on te repasse Enzo au standard. Tu vas gérer ça avec lui, d'accord? Ok, ouais. Ça marche. Bisous, ciao. Bah, Enzo, justement. Est-ce que toi, t'as une tanasse de rentrée, un truc qui te revient comme ça? Bah ouais, je sais que moi, le premier jour de cours, je me suis fait virer parce que j'avais gardé ma casquette sur la tête. C'est vrai que ça le fait pas, ouais. Ouais, parce que moi, j'ai l'habitude de toujours avoir ma casquette depuis que je suis tout petit. Et je me suis assis, j'avais ma casquette, on me l'a enlevé, j'étais puni direct, exclu. Dès le lendemain, j'ai même pas pu y aller, voilà. Oh, mais attends, ils t'ont même pas juste demandé ça, gentiment d'enlever. Non, direct. Ah, pas cool, hein. Ouais. Ok, et Thibaut à la réa? Ouais, bah moi, ça m'est arrivé aussi, genre, c'était quand je changeais de lycée. Ouais. En gros, je suis arrivé dans ma nouvelle classe, mais le prof, il était pas au courant, genre que j'étais là. Et en fait, il y avait plus de place pour s'asseoir dans la classe. Du coup, j'ai dû m'asseoir sur le bureau du prof. Oh non! Tout seul. Ah, le relou, ça devait être chiant. Ça devait être hyper chiant. Tu peux rien faire à côté du prof, en fait. Mais surtout que t'es nouveau, t'arrives genre face à une classe de 30 élèves et ils te regardent tous. Oh non, c'est dur. Ouais. Mais ça m'étonne pas que ce soit tombé sur toi. C'est vrai, en plus. Est-ce qu'on a la réaction sur les réseaux, Amir? Oui! Hashtag le Night Show pour réagir à l'émission. Moi, c'est lundi, en vrai, c'est demain, mais je vais au médecin. D'accord. Chez peut-être. Hein. Ouais, je lis ce qu'ils disent. Hein. Ouais. Jamais tu fais ça. Kiosk Community, à vous. Ah, d'accord. À vous, Amir, en fait, t'es fait. Oh, je suis désolé, je vais next parce que ça veut dire n'importe quoi. La quatrième n'est pas plus dure, ça c'était pour tout à l'heure. Mm-hmm. Ouais. Moi, j'ai la même classe que l'année dernière, sauf qu'il y a plus de mecs, les filles sont parties. Ok. Je me suis battu aujourd'hui. Bah. Non. La mec. Ouais. Ah non, il faut pas faire ça, les gars. Antoine, je suis tombé devant tout le monde en cours. Ouais. Ça, c'est la loose. Ouais, mais c'est marrant pour les autres, par contre. Elodie, j'ai eu mes règles en cours. Ah non. Ah, ça, c'est horrible. Ah, ça, c'est chaud, franchement. Bah, si ça se voit, c'est chaud, ouais. On est d'accord. Antoine, 21, mon prof a fait un malaise ce matin. Ouais. Ah, merde. Le pauvre. Anthony, 34W, je suis dégoûté, ma prof est enceinte et c'est pas de moi. Très bonne vanne. Il est très bon, lui, c'est énorme. Ouais. Bon, est-ce qu'on demande à Pépère de l'équipe qui est enfin de retour? C'est le grand retour. Ouais. Attends, et on l'acclame quand même. Ah oui, Pépère. Alors, même si je doute que Pépère soit allé à l'école, mais bon, est-ce que tu as un souvenir de rentrée? Bah si, Pépère, il est au CP et CE1. Hein, ok. Et il a du mal à passer la quatrième parce que sur l'autoroute, il était bouché. Voilà. Bah oui, ça veut rien dire. La quatrième, c'est avant la cinquième. D'accord. Bon, alors raconte, c'est quoi tes souvenirs de rentrée? Bah, Pépère, lui, la rentrée, il avait jamais rien dans sa trousse. Hein. Ah, bah ça, c'est triste, bichon. Bah ouais, en plus, tu vois, comme j'avais pas de colle, du coup, je me branlais pour pouvoir coller mes gommettes. Bah oui. Mec, t'es dégueulasse. Ouais. C'est très, très bon. J'adore le retour de Pépère. Hein. Ah oui, moi aussi. 01 42 48 5000, c'est le numéro et on vous le rappelle, totalement gratuit pour nous appeler. On fait de la radio tous ensemble en direct jusqu'à minuit. Et dans un instant sur Fun Radio, c'est qui? C'est quoi? Oh. C'est Fun, un incroyable talent. Et Willy William, tout de suite, on écoute Paris sur Fun Radio. Ouais. J'ai troqué ma voiture pour un vélo, roulé sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi j'aime me balader dans Paris, j'aime me balader dans Paris, j'aime me balader dans Paris, Paris, Paris, j'aime me balader dans Paris, j'aime me balader dans Paris, j'aime me balader dans Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Radio, c'est Marion et Enzo. Et alors, je sais, vous vous dites, elles font de la radio, certes, mais pas que. On regarde aussi beaucoup la télé avec Enzo, déjà parce qu'on adore ça. Et pourquoi? Bah parce qu'on est multifonction comme meuf. Tout à fait, Enzo. Et du coup, on a décidé de vous lancer un truc, c'est le Zap Télé de la semaine. En gros, on a sélectionné pour vous les phases les plus cheloues qu'on a entendues à la télé. Et je te propose de commencer par Motus. Okay. Motus, vous le savez, c'est l'émission un peu chiante là, qui a tous les midis. Moi, je déteste. Enzo oh, aime si, bien. Mais ça me fait rire, moi, les boules noires, c'est marrant. Les boules noires, tout ce qui est épellation de mots. En tout cas, il y a un mec qui a tenu à faire une dédicace plutôt sympa. Écoutez. Un petit bisou rapide à la famille. Je fais coucou et je remercie Jackie et Michel. Alors pourquoi, je ne sais pas. Attends, mais il est génial, mais c'est forcément à Paris qu'il a fait avec ses potes, quoi. Ou alors il a vraiment des potos qui s'appellent Jackie et Michel, ça existe, tu sais, hein. Ouais, bon, les pauvres. Big up à eux. Il y a aussi dans la meilleure boulangerie de France, alors moi j'ai jamais regardé cette émission, Thibaut Allara, t'adores, toi. Ouais. C'est un délire sur tout ce qui est pâtisserie, c'est ça? Ouais, ça bah, donne super faim. Tout est dans le titre, la meilleure boulangerie de France, hein. C'est un concours, quoi. Et là, du coup, on est tombé sur une pâtisserie bah, que certains ont très envie de goûter. Vous allez voir, moi, ça me dégoûte. Ah ouais. Des foufounettes, là. Chaque foufounette est faite à la main. Et c'est très bien. Il n'y a jamais aucune foufounette qui sort. Jamais. Dans la foufounette, ce qu'on aime bien, c'est la forme qui est amusante, ainsi que le parfum. Ouais, le goût très particulier. Le goût très particulier. On s'en souvient longtemps. Et attends, parce que du coup, Thibaut Allaria m'a dit qu'il avait vu le reportage, ouais. Donc ça ressemble à des vrais foufounes. Alors, c'est des vrais foufounes qui sont faites avec un petit couteau pour écarter, machin, pour que ça fasse vraiment la forme bah, d'une foufounette, quoi. Mais j'espère que ça en a juste le look et pas le goût, quoi. Ouais, surtout, je vous jure, le mot foufoune me bah, dégoûte. Aussi, ça me débecte, je comprends pas. Ouais. Oh, et pour terminer, je vous ai choisi l'extrait de C'est mon choix avec Evelyne Thomas, qu'on adore, qui tenait absolument à nous présenter quelqu'un. Écoutez, c'est plutôt marrant. J'ai le grand honneur. Il a dit. De vous présenter ma chatte. Ah ouais, bah. Elle s'appelle Gilo. Mon bébé d'amour. C'est pas viens voir maman. Ouais. Bah alors du coup, excuse-moi Marion, mais on a eu Jackie et Michel pour Motus, on a eu la foufounette sur M6, et puis la chatte d'Evin Thomas, très connoté quand même ce Zap Télé, non? Alors c'est pas du tout fait exprès. Fun. Un incroyable talent. Eh bien, je crois que tout est dit dans ce magnifique jingle. Si vous avez du talent, venez nous le dire et inscrivez-vous par mail marion@funradio.fr. Ça peut être tout et n'importe quoi parce qu'on bouffe à tous les râteliers. Oui, par exemple, toi, ce serait quoi ton talent? Mon talent, La petite voix. Bah, la petite voix. Salut! Voilà, c'est la petite voix, quoi. Ah. Ce soir, en tout cas, ce talent s'appelle Alexis. Et pour tout vous dire, Alexis, eh bien, nous avons déjà discuté ensemble. Oui. Bonsoir, Alexis. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien, là, l'équipe? Marion, Anso, ça va? Oui, ça va. Et toi? Alors, je sais que tu envoies souvent des snaps à Anso. Eh ben oui, je l'ai ajoutée sur Snap un jour et j'ai eu la surprise qu'elle m'ajoute et donc j'ai profité pour lui envoyer Snap et elle m'a répondu donc j'étais super content. Et là, on était sur l'autoroute du bonheur avec ça. Ah. Ben, c'est un petit peu ça, oui. Du coup, on te connaît un petit peu, Bichon, on sait que t'as une chaîne YouTube, c'est ça, tu chantes toi? C'est ça, oui, c'est sur YouTube, ça s'appelle Happy Music. Ouais. Et je fais des vidéos de cover que je mets en ligne et pour que les gens aillent regarder, écouter. Alors bon. Pour bien vous dire, Happy Music, ça s'écrit API Music. Voilà. Si vous voulez. APIMUSIC, c'est ça, oui. Voilà, si vous voulez aller voir Alexis, qui est en plus extrêmement charmant. Hein. Alors, moi, j'ai fait exprès de pas trop aller voir les vidéos pour pas être brouillée là, être complètement objective sur le talent, quoi. Tout à fait, ouais. Marion. Alors, Alexis, tu es chanteur, donc, et qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir? Je vais chanter Love Yourself avec What Do You Mean, donc les deux titres de Justin Bieber. Ok. Ouais. Donc, voilà. Ok, ça marche. Et donc, c'est une sorte de medley, quoi? Un peu, oui. Je vais essayer de mélanger deux musiques les unes après les autres et puis on verra ce que ça donne. Déjà, Alexis, il est fort parce qu'il a choisi notre morceau préféré, Love Yourself, avec Marion. Oui. Bah, déjà, c'est pas mal. Aussi, donc ça tombe bien. Ouais, il est fort, mais je pense que le standard a bien dû lui dire. Hein. Alexis, dis-nous la ça vérité. Tombe bien, on va dire. Ouais, voilà, voilà. Bon, bah, Bichon, on t'écoute. Vas-y, c'est quand tu veux. All that time that you rain on my parade. And all the clouds you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well, I ain't. Mama don't like you and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job. Didn't see what's going on and now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. Excuse-moi, hein, on t'a un peu pourri ton moment, Alexis. Non, y'a pas de soucis. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est vachement bien. What do you mean? Oh, oh, when you nod your head yes, but you wanna say no, what do you mean? Yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go, what do you mean? Franchement, oh, c'est pas mal, Alexis. Hein. Oh, what do you mean? Bon, faut s'arrêter, hein, par contre. Moi, Alexis, lancée, j'y vais, hein. Est-ce que pendant qu'on te tient, tu as préparé quelque chose en français pour nous ou pas? Ouais, carrément. Ah, carrément, c'est quoi? C'est ça. C'est une petite compo que j'ai fait, je me suis dit sur vous. Oh, cool. C'est sympa. Ok, et eh ben écoute, vas-y, c'est sur je quelle heure? Ouais. Je chante quelques mots pour l'équipe de Fun Radio. Pour Marion et Anso, j'espère ne pas chanter faux. Tous les soirs sur les ondes, elles font bouger tout le monde. Quand j'entends votre voix dans mes oreilles, ma folie se réveille. Avec Marion et Anso, le monde est beau. Avec Anso et Marion, c'est ça qui est bon. Avec Marion et Anso, le monde est beau. Avec Anso et Marion, c'est ça qui est bon. Bon, ah ouais. Bah, je crois qu'on tient un tube, hein, les gars. Hein. Franchement. C'est pas mal du tout. On se demandait avec Anso, est-ce que c'est un air connu que tu as repris ou c'est vraiment purement inventé? Ah non, pas du tout. J'ai inventé ça, là, il y a une seconde et demie. Bah, c'est bien ce qui me semblait parce que je n'avais pas absolument pas reconnu, en fait. Bon. Écoute, franchement, déjà, on est tous unanimes. T'as une très jolie voix. Après, est-ce que tu as réussi à convaincre et à séduire toute l'équipe? C'est ce qu'on va découvrir maintenant. Franchement, j'espère, ouais. Tu habites Toulouse, c'est ça? J'habite à Toulouse, oui. Ok, bon bah Bichon, je te rappelle, il te faut les 5 oui de l'équipe pour venir tout frais payer dans les studios à Paris. Peut-être Alexis, pour que ça nous coûte moins cher, peut-être déménage et viens t'installer par exemple aux alentours de d'Evreux ou dans l'Essonne. Hein. Très bien, bah, ça. J'y pense, mais je commence mes études là, donc ça va être un peu la galère. Et voilà, jamais content. Bon, allez, jugement. Enzo. Ouais, c'était top. Thibaut. Moi je trouve qu'il y a un petit air de Michael Jackson, donc je dis oui. Amir. Bah moi je trouve qu'il chante super bien, donc ouais. Anso. Ah bah c'est un grand oui, hein. Marion. Ah bah juste pour la compo qui était quand même géniale, c'est un oui, mon pote, bravo. Allez. Alexis, c'est gagné. Ouais. Je suis super content là. Bah c'est normal. Franchement, tu gères. C'est un truc de fou. Allez mater sa chaîne YouTube, ça s'appelle Happy API Music et franchement il a une bonne tête, il est adorable, tu mérites de venir dans les studios de Fun. Oh merci, oh, je suis trop content, c'est un truc de dingue. Petit chat. Oh merci beaucoup. On te fait de gros bisous. Moi aussi, gros bisous, merci. Bisous Alex. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va parler fail des photos parce qu'avec Marion, on est tombé sur une news qui s'est passée aux États-Unis. Une nana qui a complètement raté sa photo. Je vous dis pas encore pourquoi, mais en tout cas, ça s'est fini à l'hosto. Voilà. Juste ça. Si vous aussi, vous avez des trucs à nous raconter, des fails de photos comme ça, un peu marrant, un pote qui monte son cul et paf, on rigole. Appelez-nous 01 42 48 5000. On se retrouve juste après Bob Sinclair sur Fun Radio parce qu'on l'aime, le Bobby. Radio, c'est le Night Show, votre bande de potes préférée. Là, on est en direct tous les soirs et on avait une news pour vous. Alors, c'est pas forcément très drôle, ça s'est bien fini quand même, je vous rassure, mais en fait, c'est une nana aux États-Unis. Elle a voulu se prendre en selfie sur Snapchat, sauf qu'aux États-Unis, tu sais, les armes sont autorisées dans certains états et dans certaines conditions. Ouais. Et du coup, là, elle a voulu faire la maline avec une arme, sauf qu'au moment de la petite selfie vidéo, elle s'est tirée dans la main. Ouais, bah, n'importe quoi. Donc, forcément, quoi, la meuf a une sacrée photo vidéo, et du coup, direction l'hôpital avec sa balle dans la main. Pas très glorieux, il faut faire super attention. Du coup, ça nous a donné une petite idée. Bah, venez nous raconter comme ça vos plus gros fails sur vos photos. Alors, ça peut être sur Snap, sur Insta, n'importe. La photo ratée, quoi, le truc qui vous a... Mais on est d'accord que c'est pas forcément selfie, parce que moi, il m'est arrivé un truc ce week-end à Évreux. Parce qu'on était toute l'équipe, on a fait une teuf en boîte avec vous. Et donc, dans la soirée, il y avait un photographe qui prenait des photos comme ça de la soirée pour immortaliser ses instants. Ouais. Et alors, Marion m'a envoyé le lendemain une photo qui traînait sur le site qu'on a demandé à faire enlever, hein, parce qu'elle était vraiment horrible. Ah, c'était dur. Hein. J'étais, mais en eau de transpiration parce qu'il faisait quand même très chaud. Et puis surtout, j'avais un haut hyper décolleté et mon sein gauche, je crois, avait envie de fuir mon corps. Ouais. Puisqu'il part, hein, sur la photo, et il est en train de faire sa vie tout seul. Hein. Mais ce qui est juste énorme, c'est que pendant la soirée, je vais voir Anso, je lui dis, t'as vu, il y a le photographe. Moi, je fais attention, tu fais attention quand même, Babel, sur les photos. ah oui t'inquiète Babel, je fais hyper attention. Et la photo, je vous jure, mais la meuf, elle est défaite quoi. Elle a les cheveux en l'air, elle transpire, elle a du maquillage qui coule partout et elle a un sein par terre quoi. Elle sentait le bonheur par contre, non? Ouais. Mais alors effectivement, vous allez vous dire ouais c'est pas cool, partagez là cette photo et tout. Ah bah non. Alors je vous cache pas que je peux pas parce que c'est une question d'dignité quoi hein, là-dessus. Ouais non, franchement. Ouais, c'est dur. Je serais la première à vous dire si vas-y, mais là non parce que vous allez la récupérer et franchement ça va être dur pour Anso parce qu'elle est vraiment horrible. On a tous des photos comme ça qui sont pas montrables. Elle dit mais, vraiment horrible. Mais ah, oui. Du coup, ah mais oui, mais non mais je suis pas je suis pas horrible, je suis absolument immonde, je suis achetée à la poubelle quoi. Ah oui. Bon en tout cas ça me fait marrer parce que c'est un sujet qui vous intéresse parce qu'il y a eu plein d'appels là au 01 42 48 5000 et continuez de nous appeler vos pires fails quand vous vous êtes pris en photo, vos potes vous prennent en photo, vos selfies, les pires fails en photo, appelez-nous dès maintenant, on fait de la radio ensemble. Dès votre réveil. C'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Cette semaine, jouez à 8h30 au jeu des 30 secondes. Top chrono, c'est parti. Et pour la sortie en DVD du Chasseur et la Reine des Glaces. Qu'est-ce que tu comptes faire? Te mesurer à deux sœurs diaboliques et à toute leur armée? Gagnez votre iPad Air 2. C'est un peu ça, oui. Et le DVD du film. Et ben voilà, c'est gagné. Ça se gagne chez Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Ben-Hur. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Ben-Hur, un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Le 7 septembre au cinéma. Emmenez Fun Radio partout avec vous. Avec l'appli Fun Radio. Fun. Sur iPhone. Oh, Angel said, from a... Came to rain and flow. moi et mes potes voix off, tous les soirs on écoute Marion et Anso, le Night Show. Faites du bruit les voix off. Le Night Show sur Fun Radio. Le Pourquoi tu m'appelles débarque dans un instant dans le Night Show. On va aussi se faire le Poké Lost là tout à l'heure. On va parler cul. Mais avant ça, 01 42 48 5000 parce qu'on parle de vos plus gros fails en photo là. Vous êtes pris en selfie avec des potes, quelqu'un a fait un photobombe, vous avez merdé sur un truc. Appelez-nous et puis même envoyez-nous les photos. Ça nous fait marrer nous. Ouais, c'est ça. Faites partager les copains. Voilà, vous les tweetez. Il y a Maxime à la plaine qui nous a appelé là. Bonsoir Max. Bonsoir Marion. Bonsoir Anto. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ça va, Maxime? Alors, très bien, et vous? Bah ouais, très bien, dis-nous tout. Très bien. Alors, moi, c'est en fait, j'ai acheté une pochette étanche comme on trouve dans tous les magasins pour mettre le téléphone dedans. Ah oui. Et le seul problème, c'est que j'avais un iPhone 6 que je venais d'acheter. Et en fait, je l'ai mis dedans en pensant que ça marchait super bien, comme tout le monde en avait. Et j'ai été au bord de la mer. Et en fait, j'ai voulu prendre des photos, des vidéos. Et sauf qu'au bout de 2-3 secondes, je me suis aperçu qu'il y avait un tout petit trou et que l'eau était rentrée à l'intérieur de la pochette. Merde. Et mon iPhone, il était mort. Mais non, mais en fait, parce que j'ai un peu overréagi quand il a dit qu'il avait acheté ça. Parce que ça m'intéressait. Et je voulais voir si ça fonctionnait vraiment. Normalement. Tu viens de me prouver, Max, que. Bon, après, t'en as peut-être pas acheté un de très bonne qualité. Ah, bah, je l'ai acheté sur Internet. Tout le monde l'achète sur Internet, donc. Ouais, mais normalement, ça fonctionne. Je pense que t'as pas eu de chance. Il y en a forcément qui ont des défauts de fabrication. Mais normalement, c'est rare. Hein. J'ai plus de téléphone, alors j'ai obligé de m'en racheter un. Oh merde. Est-ce que. Ah, bah ouais, tu peux même pas récupérer les données à l'intérieur, les photos et tout, du coup. Ah, bah non. Ah, bah non, j'ai tout essayé, mais ça marchait pas. Ah, ça, c'est chaud. Hein. Et du coup, ça t'est arrivé cet été, là, Max? Oui. D'accord, donc t'as pas de téléphone quoi? Non, j'ai été obligé d'en racheter. Oh là là, bichon, t'as racheté le même? Oui. Et t'étais encore sous garantie et tout? Non, bah non, je l'ai acheté moi-même. Ah bah toi t'es clairement l'auditeur tenace de la soirée, voilà. Pauvre chérie, putain c'est dur ça quand même. Et du coup t'as quand même kiffé tes vacances, Max? Ouais, très bien. Bon, bah tu vois finalement. Qui sait pas quoi dire. Bon, bah écoute, tu vois, hein, finalement, tu t'en sens pas trop mal. Merci de nous avoir appelé, mon Max. Ok, en tout cas. Je peux faire une dédicace? Bien sûr. Alors, une dédicace à tous ceux qui m'écoutent, Théo, Loïs, et tous ceux qui me reconnaîtront. Ok, et eh ben on les embrasse. Bisous, Max. Très bien, bisous. Ciao, ciao. Est-ce que je peux raconter mon fail à moi, Anso? Bien sûr. Bon, évidemment, j'ai des photos dossiers comme toi où t'es un peu dégueu en soirée, il y a toujours des trucs qui fuitent. Mais là, c'est plus moi qui ai fait la connerie. En fait, tu sais, j'ai une appli de lissage sur de lissage du visage. C'est-à-dire que comment elle s'appelle déjà cette appli? Facetune, je crois. Ouais. C'est une appli en fait qui est cool parce qu'elle te permet de faire des petites retouches comme ça sur tes photos. Donc, faut pas en abuser, tu vois. C'est une sorte de Photoshop pour les nuls. Voilà. D'accord. Et donc, moi, au début, bah, je commençais à l'utiliser et je me suis tellement lissé la peau pour pas qu'il y ait d'imperfections que je me suis virée, mais tous les grains de beauté, toutes les taches de rousseur et tout. Et du coup, limite, je me suis effacé un œil et c'était complètement cramé à 10 000. Et moi, j'avais pas vu, sauf que je me suis fait tailler de ouf sur les réseaux. Et franchement, je le regrette parce que c'était débile, tu vois. C'était complètement. Bah oui, faut pas en abuser, mais tu sais, quand t'as ça sous la main, t'as la main lourde en général. Non, mais surtout qu'en plus, Marion, elle a un petit truc physique, c'est qu'elle a un grain de beauté sur la joue gauche. Donc, c'est sa marque de fabrique. Oui. C'est-à-dire que si tu l'as pas, ça choque les gens. Oui, c'est vrai. Et là, j'avais vraiment une peau, mais de porcelaine, quoi. Genre toute lisse, sans rien. Donc, non, c'était pas logique. C'était pas bien. Voilà. Bon, mais en tout cas, elle marche bien, cette appli. C'est pas mal. Ouais. Il y a Louis. Ouais. Louis qui est à Calais et qui est avec nous. Bonsoir, Louis. Salut, Marion. Salut, Anto. Ah, salut, Louis. Bienvenue. Ça va, Louis? Ça va, nickel. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, avec les photos? Moi, il m'est arrivé un truc, mais je pense que c'est déjà arrivé à pas mal de monde. J'étais avec ma copine, c'était une petite place de village sympa, et je demande à un jeune, il peut avoir quoi, il peut avoir 20-25 ans, de nous prendre en photo dans la petite fontaine de la place, on se pose et tout. Je donne mon téléphone au mec, et là, le mec, il se met à courir. Il s'est allé avec mon téléphone. Ah merde, t'as volé ton téléphone? Ouais, il est parti avec mon téléphone. Alors je suis parti en courant et je l'ai rattrapé parce que voilà, il y avait un peu de monde et j'ai gueulé un peu et voilà, les gens se sont interpellés, ils l'ont arrêté avant moi, mais enfin. Ah mais moi ça m'est jamais arrivé. Moi ça m'est arrivé, ça fait bizarre. Moi, c'était pas exactement la même chose, c'était pas pour une photo. J'étais en terrasse avec une copine, je buvais un verre et j'avais mon téléphone sur la table. Et là, il y a un mec qui est passé et qui l'a pris. Et qui s'est mis à courir. Et on l'a rattrapé aussi. Ah, donc t'as récupéré ton téléphone. Ouais, et après, tout gentil, quoi. Oh, désolé, j'ai pas fait exprès. Bah, mec. Ouais, c'est si. Bon, si tu l'as récupéré, c'est le principal. Ouais, j'ai récupéré. Louis, tu sais quoi? J'ai senti tout de suite que t'étais un champion de la course quand tu nous as appelé. Direct. Direct, je me suis dit, ça, c'est mon loulou, quoi. On t'embrasse en tout cas, mon poulet. Bisous, les filles. Bisous. Bisous. Thibaut à la réa, je crois que t'as une histoire toi aussi. Ouais. Raconte. Bah, moi, en fait, j'ai voulu envoyer un snap. Coquin. Ouais, coquin, genre à ma nana. Ouais. Et le truc, c'est que c'est en fait pas ma nana qui l'a reçu, c'est genre une personne que je voulais pas, quoi. Mais genre, c'est qui cette personne? C'était ma mère. Mais non. Non, en vrai. Ouais, non, vraiment, ouais. Elle a snap et tout, ta mère. Ma mère, elle a snap, elle a Twitter, elle a Vine. Attendez, Instagram. Attendez, j'ai plusieurs questions. Thibaut à la réa fait des photos coquines déjà. Ouais, déjà sur Snap. Mais non, alors, mais tu sais, une petite photo, tu sors de la douche, tu l'as pas vue depuis longtemps. Voilà, quoi. T'as fait t'envoyer ça à qui? À ta meuf à la base? Ouais, à ma meuf, à ma copine. Ouais. Mais du coup, t'as pris un Snap tout nu? Ouais, je sortais de la douche, ouais, mais on voyait pas trop, c'était la buée et tout ça, tu vois. Non, mais et ta mère, elle a répondu quoi? Bah, c'est pas où elle m'a envoyé ses seins. Et du coup, on est très proches. Non, mais je veux dire, vous en avez reparlé, tu lui as dit c'était pas pour elle? Non, mais en fait, je pense qu'elle l'a pas vu parce qu'elle a snap, mais elle sait pas genre ouvrir les trucs. J'ai vu, mais tu sais, elle ouvre, machin, elle regarde pas, elle comprend pas. Ah ouais, d'accord, bah j'espère pour toi, mon pote. Hein. Vous voulez pas qu'on essaye de lui envoyer un snap à sa mère là? Ouais, ce serait drôle. Ce serait pas fort. Ouais, on fout Thibaut à poil et on l'envoie à sa mère. Ouais, franchement. Non, un truc encore plus osé, quoi. Bah genre quoi? Bah je sais pas. Il faut que mon cerveau malsain se mette en marche. Des fesses? On lui avait une bite? Ouais. Non. Oh, arrête. Non, non, respecte-la. T'as dit oui au début là. Ouais. Non, non, c'est le maman. Il y a Sabrina Oman qui est avec nous. Bonsoir Sabrina. Salut les filles, salut tout le monde. Salut. Ça va Sabrina? Bah ouais, ça va super, et vous? Bah ouais, très bien. Raconte-nous toi, c'est quoi ton fail? Bah alors moi j'étais en mode séduction toute fraîche avec qui est maintenant mon mec. Mmh. Et donc on s'envoyait des petits MMS dans la journée, voilà, sur un instant choisi. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai un miroir dans mes toilettes et je me trouvais bien à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon allez, j'envoie une petite photo. Donc j'ai mis la photo, enfin mon téléphone en hauteur pour me prendre en photo, debout. Sauf qu'en fait, j'ai envoyé la photo sans vérifier l'état de la photo. Et en fait, bah, il y avait la grosse commission dans les toilettes. Sabrina! Mais attends, mais Sabrina, on tire toujours la chasse d'eau. Ah oui. Peu importe si on doit faire une photo ou si on parle. Mais l'instant T était trop bon. Voilà, j'étais à fond. Je me suis dit, ouais, il va lui plaire celle-là. Bon, ah non, bah, mais c'est pas possible. Mais déjà, on n'envoie jamais une photo sans la vérifier avant. Mais oui. Ah ouais. J'étais trop contente. J'avais beau temps. Mais ça m'appelle une histoire, parce que moi un jour j'ai voulu envoyer une photo un peu sexy à un mec que je vois depuis un petit moment. Et donc juste j'étais en soutif avec un petit gilet, donc tu vois c'est vraiment hyper soft. Sauf qu'en fait pour m'endormir parfois le soir, je lis des BD parce que ça m'endort. Et donc en fait, tu sais quand tu veux envoyer une photo sexy, en plus t'as du mal à trouver la position. Donc j'ai la BD sur mes genoux. Et donc je me trouve hyper sexy, sauf que sur la photo on voit la BD et je me dis fais chier, tant pis je l'envoie quoi. Ouais. Sauf que le gars a cru que j'étais aux toilettes. Ah merde. Merde. Ah bah ouais. Donc au lieu de l'exciter, bah j'ai pas du tout excité quoi. Ouais. Ah ouais non, pas cool le coup de la BD. Mais alors la grosse commission là t'as fait fort chérie. C'est pas mal, j'avoue. Ça valait le coup de le raconter. C'est toi qui t'en es rendu compte ou c'est la personne qui l'a reçu qui t'a dit oh c'est dégueu? Non, il a été galant. C'est moi qui m'en suis rendu compte, mais il n'en a pas parlé. Ah, sympa. Bon, Sabrina, tu nous auras bien fait marrer. En tout cas, merci pour ça. Merci, les filles. Bonne soirée. On t'embrasse. Bisous. Bisous. Bye. Ciao. Il y a Cédric aussi à Niort. Bonsoir, Cédric. Bonsoir. Ça va, Cédric? Bah, ça va très bien, et vous? Ouais, ça se passe bien, la vie à Niort? Ouais, c'est un peu mort, mais bon, on s'y fait. Tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis cuisinier pâtissier. Oh. Et alors, est-ce qu'on a une petite spécialité? Bah, pas spécialement, je suis... Enfin... T'es polyvalent, quoi. Voilà, exactement. Ok, et qu'est-ce que t'as fait avec les photos, alors? Bah alors, en fait, c'est pas une photo que j'ai envoyée ou quoi, c'est une photo qu'on a prise, que j'ai vue un lendemain de soirée. Mm-hmm. Et en fait, c'est une soirée où j'étais bien bourré. Et je suis allé aux toilettes et je me suis endormi dessus, en fait. Et j'ai un pote qui est arrivé, qui a baissé son froc et qui m'a collé son cul sous le nez et qui a pris une photo. La classique, ouais. Hein. Ouais. Mais ça marche toujours, hein, les photos de fesses. Bah oui, et en même temps, tu vois, c'est là qu'on se rend compte que l'abus d'alcool est dangereux, non seulement pour la santé, mais pour l'amour propre. Ouais, tu vois. Exactement. Non, mais c'est vrai. Mais à vous, ouais. Ça t'a fait marrer. Bah, au début, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils font d'autre quand je suis bourré? Attends, Cédric, quand tu t'es réveillé, t'avais quand même tous tes vêtements sur toi, rassure-nous. J'avais plus mon t-shirt. Oh. Ah oui, d'accord. Bah, c'est tant chelou. Que t'avais ton pantalon, ouais, écoute, ça nous rassure. Non, mais ils ont rien fait, c'était potes quand même. Bah, ça va, je boitais pas. Ouais, ouais, ouais. Bah. Il va trop dans les détails, tu sais. Bon, bichon, si c'était que ça, ça va. Ouais. Merci de nous avoir appelé, Cédric. Ben, merci à vous. On t'embrasse. Bonne soirée. Bisous. 3-1 pour la France, hein, les gars. Ah oui, oh. France-Italie. C'est bientôt la fin, là, non? Enzo, t'en penses quoi? Je suis hyper dégoûté, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah oui, c'est vrai, t'es italien, toi. Enzo, italien. Ouais, italien à moitié. Et non, alors, on est d'accord que c'est un match complètement amical? Ouais. Ok. En toute amitié, Marion, tout à fait. Et il y a mon Gris-Gris qui joue ou pas? Ouais. Griezmann, ok, cool. Et qui a marqué? Ah, vous savez pas? Au début d'émission, je dis, les gars, on va faire des points foot, on va suivre tout ça et tout, et il n'y a pas un gars qui peut me dire qui a marqué. Ah, si, regarde, Martial, Giroud et Kurzawa. Kurzawa, voyons. Ah, voilà. Wow. Il joue à Paris, lui, non? Ouais. Bah oui. Il est content, oui. Bon, et bah écoute, 3-1 pour la France, c'est bien, belle victoire, on est content, les bleus, bravo les bleus. Est-ce qu'on demanderait pas quand même à Pépère s'il a pas vécu un fail de photo, de selfie, de tout ça? Ah, oui. Bah ouais. Dis-nous, Pépère. Bah, une fois, Pépère, il a pris une photo avec la perche à selfie, mais on voyait rien. Et pourquoi? Bah, parce qu'en fait, j'ai mis la perche à selfie dans la chatte à mémé, mais vu que c'est tout noir, hein, dans cette pute. Arrête, enfin. Bah oui. Bah oui. Un peu de respect pour mes mères quand même, non? Bah non, là, tu crois elle en a pour moi? Bah oui. Non. Bon, c'est pourquoi tu m'appelles qui débarque dans un instant sur Fun Radio. Marion et Anso en direct jusqu'à minuit sur Fun. Et puis mon pote, mon meilleur pote, DJ Snake, tout de suite, c'est Talk sur Fun. C'est Marion et Anso, on est en direct avec vous jusqu'à minuit comme chaque soir. Et pourquoi? Parce que nous sommes payés. Et ouais, pour dire des conneries, c'est quand même pas mal. En tout cas, allez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Marion et Anso, il y a de la nouvelle vidéo. Déjà, il y a le prank. En français, ça se dit un petit peu le piège. Hein, une caméra cachée, quoi. Une caméra cachée de Thibaut qui tombe sur les Champs-Élysées devant des passants. C'est hyper drôle à ne pas reproduire chez vous, quand même. Non, ça peut être dangereux. Lui, c'est un cascadeur. Exactement, professionnel. Et puis, tout ce qui est vidéo de mon anniversaire, là. Vous savez, vous vous souvenez, là, ce moment où ils ont fait venir plein de mecs dans le studio, où j'ai été humiliée et mon amour propre est resté là-bas depuis mardi soir. Ah oui, c'est vrai que c'était sympa. Et on t'a trouvé l'amour, quand même. Ouais, j'embrasse Paul. En tout cas, rejoignez-nous, Marion et Anso, sur YouTube. Pourquoi tu m'appelles? J'ai pas appelé que tu m'emmerdes là. Moi j'ai pas appelé monsieur. J'ai appelé personne putain qui se fait chier. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Oui, c'est chez nous tous les soirs aux alentours de 23h. Le Pourquoi tu m'appelles, vous pouvez déjà gagner votre pack de fringues Whoop. Et puis on s'éclate et je vous rappelle que si vous battez le record du Pourquoi tu m'appelles qui est de 3,50 aux alentours, en gros si vous approchez des 4 minutes, on vous offre un big cadeau. On l'a pas encore, on le trouvera pour l'occasion. Ça peut être du high-tech, du voyage. Enfin, on va trouver un truc de ouf. Il faut tenir quasiment 4 minutes. Voilà. Inscrivez-vous, Marion et Anne-Soir, @radio.fr et c'est Mickaël qui joue avec nous ce soir. Bonsoir. Salut. Mickaël. Salut les filles. Ça va, Mickaël? Ben ça va super, et vous? Ben ouais, très bien. Alors parle-nous avec cette jolie voix de toi. Quel âge tu as? Eh ben j'ai 15 ans et je vais passer en seconde. Ah, oula. Seconde générale donc? Techno. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai dit donc. Ah, hein, oui. Ce mot n'avait rien à voir dans l'histoire. Tout se passe bien, les cours et tout, t'es plutôt bon? Ben ça va, tranquille. Tranquille, tu veux faire quoi plus tard? Ingénieur du son. Ingénieur du son, très bien. Tu sais quoi, on aura peut-être besoin de toi si on est toujours en place. Et si on est toujours en vie. Voilà. Tu veux jouer contre qui ce soir? Oh, je vais jouer contre Anso. Ok. Alors, Anso, Mickaël, t'es d'accord avec moi, il faut lui donner un petit handicap. Ouais, bien sûr. Est-ce que t'as une idée ou pas? Là, non, pas trop. Alors, tu vas dire toi, je pense que t'en as une. Ouais, j'en avais une parce que tu sais, elle est très très nulle en accent, Anso. Et j'ai envie ce soir, elle se la joue internationale, mais qu'elle tente plein d'accents. C'est-à-dire une phrase, un accent. Le belge, l'italien, l'anglais, voilà quoi. Ah, tu veux dire plein de langues différentes, quoi. Bah, tout ce que tu sais faire, quoi. Le chinois, tout. D'accord. Pas les langues, les accents, évidemment. Ah, d'accord, ok. Okay, ah, je parle en français tout le temps. Ouais, avec un accent. Ça marche. Mickaël, je me lance comme ça, ça te permet de voir combien de temps je fais. Ok, ben vas-y. Allez, c'est parti. Et vous allez voir chez vous, Anso a une grande maîtrise des accents. Attention, alerte moment de gêne. Ah ouais, ça va être triste, ouais. Oui. Allô? Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Oh non. C'est trop... Hein? Allô? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi pour le dérangement. Pourquoi tu m'en veux? Mais je trouve qu'il est avec. Mais non, chérie. Hein? Un autre à la peau. Ça me fait trop mal au cœur, ouais. Ça me fait trop mal au cœur. C'est une petite vieille, on peut pas. Non, prenez-en un autre. Elle parlait pas français. Mais non. Et surtout, elle comprenait rien, la pauvre. Surtout, elle faisait des bruits chelous. Elle a 100 ans, quoi. Non, non, moi, j'aime pas quand on touche aux petites vieilles. Elle faisait des... On en fait un autre. Allez, c'était peut-être une petite vieille qui prenait du plaisir. Faites peur. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, excusez-moi pour le dérangement. Pourquoi tu m'appelles? Ah non, je ne vous ai pas appelé, je suis désolée. Ah, vous êtes sûre? Oui, certaine, madame, j'ai appelé personne. Et pourquoi tu m'appelles? Oui, c'est n'importe quoi. Non, madame! Madame! Madame! Ah non, je suis très triste parce que j'ai même pas eu le belge. Ah! Tu veux que je te le fasse? Oui, hein, s'il te plaît. Alors, bonjour, pourquoi tu m'appelles une fois? Catastrophe. Bon, Thibaut, à l'arrêt, elle a fait combien? 22 secondes. Oh là là, c'est une tristesse absolue, quoi. Mickaël, 22 secondes à battre. Ben, j'espère que c'est faisable. C'est d'une simplicité enfantine. Alors, on y va. Est-ce que tu as une stratégie? Ouais, une petite stratégie, ouais. Bon, eh bien, écoute, tu vas nous faire découvrir ça immédiatement, Micmuc. Il ne veut pas en dire plus. Micmuc. Micmuchette. Allô? Oui, allô? Oui, pourquoi vous m'appelez? Allô? Mais je viens de recevoir un petit appel de message d'un appel masqué et je vous ai au téléphone. Ok. Ça a raccroché. Non, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce allô? Allô? Mais moi, je comprends pas ce soir ce qui se passe. On a un problème de compréhension avec les gens. Donc, comme Anso, on va te donner une seconde chance, mon pote. Ah, j'en pleure. Okay. On en appelle un autre. Allez. Ah, bah, on va y arriver ce soir quand même. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Pourquoi vous m'appelez? Mais je vous ai pas appelé. Le téléphone vient de sonner. Ben également pareil pour moi, c'est bizarre. C'est un appel masqué. Vous aussi? Ben écoutez, moi je suis chez moi, mon téléphone vient de sonner, je décroche. Ouais, ben également moi aussi. Ben je sais pas ce qui se passe. Hein, moi non plus, je sais pas. Vous êtes chez quel opérateur? Parce que c'est éventuellement. Comment? Vous êtes chez quel opérateur? C'est peut-être un problème entre opérateurs. Moi c'est chez Orange. Ben moi aussi. Ah oui, bon c'est bizarre. Ben c'est franchement très bizarre. C'est bizarre. Tout à fait. Et vous appelez alors pour mon annonce, pour le petit climatiseur Non, mais je ne vous ai pas appelé. Je ne vous ai pas appelé. Mon téléphone a sonné, j'ai décroché. Non, mais pourquoi tu m'appelles? Là, ça commence à m'énerver, là. Déjà, me tutoyez pas, mais je vous ai pas appelé, je vous dis. Déjà, tu vas descendre ton string, parce que là, tu m'embêtes. J'aime beaucoup. C'est à double tranchant, la détente de string, hein. Ça passe ou ça casse. Hein. J'ai l'impression que zéro suspense, il a tenu bien plus qu'Anso, combien? Ah ouais, 52 secondes. Eh ben bravo, c'est gagné, mon pote. Bravo, Mickaël. Merci beaucoup. C'était lunaire, mais en tout cas, tu t'en es bien sorti. On te félicite et on t'envoie tout ça à la maison. Merci beaucoup. On t'embrasse, Mickaël. Mais bisous à vous. Bisous, à bientôt. Bisous. Marion et Anne-Sor, basfunradio.fr, pour vous aussi vous inscrire au Pourquoi tu m'appelles. Et là, dans un instant, on va faire de la radio ensemble. Ouais. On a une anecdote qui nous vient tout droit d'Anso. Ah. Anso a retrouvé il y a quelques jours un ami d'enfance. Voilà, tout se passe bien, il est cool. Ah, il est très sympa, Pierre, je l'embrasse. Sauf qu'il t'a annoncé son métier actuel et il est podologue. Ouais. Alors, ça nous a surpris parce que pour nous, podologue, c'est clairement le métier le plus chelou. Hein. Tu vois des yep toute la journée. Ouais, et puis pas que des beaux, je pense. Ouais, tu t'en occupes et tout ce qui est mycose, des ongles et tout, un peu une angoisse. Du coup, ça nous a inspiré. On s'est dit, on avait envie de parler avec vous des métiers les plus difficiles, les plus chelous selon vous. Alors, ça peut être du gynéco, du croque-mort. On se lâche, appelez-nous 01 42 48 5000. Ça, ce sera juste après Kungs. Ah, bah lui, il a un métier sympa. Ah, bah DJ, dis donc, des jockeys. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't you didn't know. I'm gonna rock your back, take it next door. Gonna rock your back, don't you know. C'est Marion et Anso. Et dans quelques minutes, le Pokélost arrive. Alors si vous ne connaissez pas cette nouvelle rubrique, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Vous jouez à Pokémon Go, vous nous appelez au 01 42 48 5000. Le but, c'est de faire croire à papa ou à maman que vous êtes perdu en train de jouer à Pokémon. En train de les chercher là dans un endroit un peu glauque, un peu bizarre, je sais pas moi, une cave, une route vide. Quelque chose comme ça qui les fasse flipper, voilà. Et si papa ou maman accepte de venir vous chercher, Et ben c'est gagné, vous repartez avec l'iPad. Oui, une route vide ou un champ vide, quelque chose quoi. Quelque chose de vide. Voilà, merci Anso. Bon, en tout cas, on voulait parler avec vous maintenant des métiers, les pires métiers selon vous. Vous nous appelez dès maintenant 01 42 48 5000. C'est parce qu'en fait, j'ai retrouvé un pote d'enfance. Mm-hmm. Il m'a souhaité mon anniversaire via Facebook. On s'était pas parlé depuis hyper longtemps. Et j'étais avec lui au collège en 5e. Ouais. Et maintenant, il est podologue. Bah, c'est beau, hein, mais c'est bizarre. Non, mais il a l'air d'être très content de son métier, mais c'est ce qu'on se disait avec Marion, c'est bizarre. C'est les pieds, ça. Oui, ouais. C'est les pieds, ouais. C'est les pieds, mais il t'a quand même raconté des trucs un peu surprenants. Il t'a dit qu'il voyait les gens quasiment nus, en fait. Non, pas nus, ils sont. Non, mais n'importe quoi. Et Marion qui extrapole, quoi. Bah, quoi. Non, non, mais pas du tout, ils sont pas nus, mais ils sont en sous-vêtements. Bah, parce oui. que les pieds sont reliés, bon, bah, comme tout le monde le sait, au reste du corps. Parce ouais. que sinon, on peut pas marcher. Et donc, du coup, en fait, comme tout est relié, je pense que le podologue bah, s'occupe aussi des gens, du corps des gens en entier. Ouais. Donc je pense qu'il y a un côté kiffant parce qu'il y a ce côté un peu thérapeutique, t'aides les gens à aller mieux et tout. Et il y a le côté, tu vois quand même des pieds en mauvais état parfois. Ouais, et ça doit pas être facile, tu ouais, vois. C'est ça. Et moi qui ai une sorte de dégoût comme ça pour les pieds qui sont pas beaux, bah je pourrais pas faire ce métier clairement. Bon, de toute façon, dans le milieu médical, il y a plein de métiers qu'on a pas envie de faire. Hein. Tout ce qui touche aux, ah, aux fesses. Le mien, ouais, proctologue, c'est ouais. ça, hein, comme on dit. Ouais, proctologue, bon, c'est bah, chaud. Pour ceux qui connaissent pas proctologue, en fait, vous vous occupez. Des fesses des patients, c'est-à-dire que vous allez voir ce qui se passe par derrière, quoi. Voilà, c'est l'anus. Compliqué. Voilà, ouais. C'est ça. Donc, c'est un métier où on est toujours dans la merde, en fait. Elle est bonne, cela. Bon, en tout cas, appelez-nous, là, 01 42 48 5000. Vous venez nous raconter bah, le métier pour vous le plus compliqué. Et si jamais vous faites un métier un petit peu dit difficile comme ça, je sais pas, moi, si vous occupez par exemple des morts, tout ce qui est médecin légiste, tout ça, ça peut être compliqué. Appelez-nous parce qu'on a plein de questions à vous poser. Et d'ailleurs, je pense que tous les médecins légistes de France écoutent la Night Show. Bah, pourquoi pas. Je sais pas. Il y a Yann de Toulon qui nous a appelé là. Bonsoir Yann. Bonsoir les filles, bonsoir Mario Anso, bonsoir Amir et ses sourcils, Enzo et Thibaut. Salut. Ah, bonsoir. Ah, bien joué. Bonjour. Alors, dis-nous, pour toi, c'est quoi le pire des métiers ? Ah ben, en fait, c'est ce que j'ai vu l'autre fois à la télé sur Arte. Je pense que c'est vétérinaire dans les zoos. Ah, pourquoi ? Pourquoi ? Bah, en fait, si tu veux, véto, ouais, ça peut être sympa quand tu t'occupes de Wacha. Maintenant, quand tu t'occupes d'un éléphant constipé, que tu dois monter sur une échelle en combinaison fluo, limite en plastique, etc. Là, ça craint un petit peu, je pense, parce que t'as vraiment la tête dans le cul, quoi. Ouais, non mais je te comprends. De toute façon, tous les vétérinaires d'animaux autres que domestiques, c'est quand même très particulier. Mais moi, en plus, je sais pas, moi, je suis pas très zoo. J'aime pas trop l'idée, moi, de garder des animaux en captivité. Ça me fait de la peine. Ouais, moi non plus. Mais il faut bien qu'il y ait des vétos pour les soigner, hein, parce oui. qu'il y a des zoos, tu vois. Mais bien sûr. Après, tu sais, ils font complètement abstraction de tout ça. Hein. Pour eux, c'est vraiment médical, ils ont tellement l'habitude, ils voient même pas ça comme, par exemple, quand ils mettent leurs bras dans l'anus de l'éléphant, tout ça, ils font souvent ça, même dans les vaches et tout. Mais pour eux, ce qu'ils expliquaient dans les reportages, ils voient même pas le caca, quoi, ils voient rien. Pour eux, c'est médical, ils cherchent un truc en particulier et ça leur passe complètement au-dessus, tu vois. Mais du coup, tu fais quoi comme métier, toi, Yann ? Moi, je travaille dans la sécurité incendie. D'accord, c'est pas facile aussi, ça ? Ah non, c'est pas facile, ouais, parce que bon, tu te retrouves souvent avec des mecs genre qui fument la clope là où il faut pas, alors dès que tu leur fais la réflexion, t'en prends plein la gueule. Mmh. Mais bon, ça après, pff, ouais, mais ça, c'est tu passes bien. Un petit peu, tu fais abstraction, parce que bon, bah, les mecs, le jour où il y a un véritable incendie, ils sont contents de te voir arriver, quoi. Exactement, mon Yann. Et tu vas me dire ce que t'en penses, je vais te donner pour moi le pire des métiers, tu vas me dire si t'es d'accord, ok ? Vas-y. Pour moi, c'est ceux qui bossent dans les abattoirs pour animaux. Ah ouais. Parce ah que ouais. là, mon pote, il faut vraiment avoir le cœur à accrocher. C'est-à-dire que bah, ta vie, c'est de tuer des bêtes, quoi. Mais surtout que là, dernièrement, on en a beaucoup parlé des abattoirs qui maltraitaient, en fait, les animaux, justement. Et je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir de cœur. Moi, ça me... Bah, après, il en faut, tu vois, malheureusement. Hein, tu manges de la viande ouais, comme sûr. Tout le monde. Mais c'est juste le fait de... Même si tu vois rien, même si c'est juste le fait de te dire toute la journée, quoi, c'est la mort des animaux. C'est terrible. Ouais. Bah, je ne pense pas que ce soit surtout la mort des animaux. C'est surtout qu'après, la vache, tu la découpes en plein de petits morceaux. C'est ça, on a ouais. les plus chiants, quoi. En plus, ouais. Ouais. T'as raison. Mais même ouais. les éleveurs, par exemple. Les éleveurs, c'est un boulot hyper difficile, quoi. C'est compliqué. Mmh. Ah oui, ils sont attachés aux vaches, quoi. Ah, mais moi, je t'explique, Yann. C'est-à-dire que j'ai des vaches, j'ai des cochons, j'ai des moutons, mais moi, je leur trouve tous un prénom, ils dorment tous dans mon lit, quoi. Ouais, c'est vrai. Ce serait horrible. Mais je m'attacherais trop, moi. Ce serait pas possible. Bah, dans l'amour et dans le prix, ils sont tout le temps attachés à leurs animaux. Hein. Ah, puis les bébés animaux, en plus, les veaux, les agneaux. Ouais. Bon, bref, tout ce qui tourne autour des animaux, c'est pas pour nous, clairement. Exactement. Yann, on t'embrasse et bon courage pour le taf. Ouais, je peux juste rajouter un petit truc. Oui. Ouais. Alors Anso, quand tu fais la voix de la petite fille, tu me fais penser à au personnage de Premier Baiser, Annette. Ah ouais. Ah ouais, un peu. Vas-y. Je te jure, depuis janvier que j'ai commencé à écouter l'émission, Mais franchement, à chaque fois que tu le fais, mais j'ai halluciné. J'ai dû mettre quoi, je sais pas, 2 mois avant de retrouver d'où je connaissais cette voix-là. Quoique non, elle avait une voix un peu plus aiguë. Alors que moi, c'est un petit peu plus comme ça. Salut, c'est plus mignon. Ah ben, j'ai fait la comparaison sur YouTube, c'est pas loin. Hein. Eh bien écoute Yann, ce que je te propose, c'est que tu nous fasses un montage. Et ensuite, on part à la conquête du monde. Okay. Ça marche. Ah, il y a Thibaut à l'arrière qui est Annette. Je jouais la comédie. Je suis venue au casting. Et alors, je crois que c'est Annette, mais vieille. Ah bah oui, ah, c'est pas Annette. Ouais, mais il y a des extraits, je crois. Je pense que ce qui a fait que ça marche. Mmh. Ouais, voilà. Bah, Thibaut à l'arrière, c'est quoi la prochaine fois? Ferme ta gueule. Non, mais il a raison. Il y a un petit truc. Ouais, il y a un truc. C'est vrai, il y a un truc. Côté aigu, quoi. Yann, je te remercie d'avoir soulevé un point important. Bah voilà, de rien. On t'embrasse. Allez, bisous. Viviane. On a Victor aussi qui est à Paris, à la capitale. Bonsoir Victor. Salut. Capitale. Salut tout le monde, salut les filles. Vous avez remarqué quand on dit la capitale, on prend tout le temps l'accent du sud. Ouais. C'est con. Ça veut rien dire. Aucun intérêt. Dis-nous Bichon, c'est quoi pour toi le pire des métiers? Alors bah c'est pas, je trouve pas que c'est le pire des métiers, mais c'est un peu, je pratique un métier assez dangereux. Ah c'est le tien, d'accord. Oui c'est le mien, oui. Je suis laveur de vitres. Dans les buildings. Ah, ouais. Ah oui, bah tu fais bien de préciser dans les buildings. Ouais. Parce que ouais. Parce que bon, les vitres de vitrine, non, c'est bon. Ah, mais tu dois avoir des vues de ouf, non? Des fois, parfois? Dans les toilettes, non. Oui, non, ouais, les vues sur Paris, ouais, je vois des super trucs, ouais. C'est génial. Et t'as mais pas après, du tout. Tu t'en lasses, quoi. Tu le vois une fois. Mais t'as mais pas c'est... du tout la peur du vide, j'imagine? Si, quand même, un peu. Un peu, quand même. Enfin, tu te dis que t'es juste retenu avec des chiens. Et un peu tôt. Enfin voilà quoi. Ça fait quand même flipper. Hein. Mais si t'es laveur de vitres dans des tours, c'est ça? Ouais. Et est-ce que j'ai déjà fait la tour Montparnasse. Est-ce que t'as déjà vu genre des gens, tu sais, quand tu vas laver les vitres, genre en train de se pécho ou se rouler des pelles et tout dans une tour? J'aurais bien voulu, mais non, c'est dans les films ça. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Non, c'est dans les films. J'ai jamais vu quelqu'un en train de se faire démonter sur un bureau. Dommage. Et est-ce qu'il y a déjà eu des accidents comme ça de gens qui sont tombés? Pas chez nous. Pas chez nous, non. Et ailleurs? Sûrement. Mais oui, toi, t'es tout seul avec ton baudrier ou t'es sur un... Non, on est deux. Ah, donc vous êtes sur une planche, quoi? Ouais, on est sur une nacelle. Ah ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Qui est tenue par le toit. Ok. D'accord. D'ailleurs, je fais une dédicace à tous mes amis laveurs de vitres. Voilà, big up à vous. Pour laquelle je travaille, voilà. Bah, tu peux la citer, hein, si tu veux. Chez Honnête. Ok, chez Honnête. Oui. Ok. Nous sommes des anges honnêtes. Ouais, c'est un bien beau nom. Et pas drôle. Oh, ouais, t'es aussi. Merci, c'est gentil. Mais non. Ouais, en tout cas, t'es courageux de faire ce taf quand même. Merci. Sans nous, vous n'aurez pas de vie propre. Exactement. Victor, on t'embrasse. Ciao les filles, salut tout le monde. Bisous. Il y a Sophie aussi de Lille. Bonsoir Sophie. Bonsoir Marion, bonsoir Enzo, bonsoir toute l'équipe. Salut. Yo. Ça va Sophie? Ça va et vous? Ouais, très bien. Alors, est-ce que tu nous appelles pour ton propre métier ou pour un métier que tu connais? Alors non, moi c'est un métier en fait que j'ai vu qu'il existait il y a pas longtemps. En fait, enfin je comprends même pas comment ça puisse exister en fait. Testeuse de God. Oh. Ah ouais. Bah, il en faut. Non, bah enfin il en faut. Ouais. Bah, non mais je comprends pas. Après, il me semble parce que j'avais vu ça moi aussi des trucs passer sur internet avec des petites annonces. Je crois que c'est très bien payé. Hein. Mais attends. Ouais, ben l'annonce était, il y avait écrit, c'était payé 1 300 €. Mais comment tu te dis, tiens, je vais faire ça, je vais tester des gods? Alors, faut savoir déjà si elles le font en privé ou si, je sais pas, comment ça se passe en fait. Bah, tu fais pas devant tout le monde quand même. Qu'est-ce que c'est dansé? Je sais pas. God. Oui, Amir. Bah, apparemment, non, c'est chez soi en fait. C'est chez soi, ouais. Elle donne des avis. Alors, non, ça a l'air vraiment spécial. J'ai trouvé un article là-dessus, donc tu peux le faire évidemment de chez toi. Et tu touches 1 350 €. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas mal quand même pour faire un truc où t'es censé éprouver du plaisir. Ah, il y a pire. Hein. Bah ouais, il y a pire. Mais à mon avis, tu dois tout détailler, quoi. Dire tous les points faibles, les points forts. Tu sais, c'est exactement comme n'importe lequel d'entre nous peut tester des marques de shampoing, oui, des marques de machin, tu vois. Et t'es rémunéré par rapport à ça, ou alors ils te donnent des échantillons. Bah là, c'est un peu le même délire, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu comme les médicaments aussi. Tester les médicaments. Ouais, alors ça, c'est un peu plus dangereux, par contre. Ouais. Ouais. Et du coup, tu fais quoi, toi, dans la vie? Moi, je suis esthéticienne. Ah oui, rien à voir. Ok. Rien à voir du tout. Attends, esthéticienne, épiler le maillot des gens, ça doit pas être marrant non plus tous les jours. Hein. Ah non, c'est pas très drôle, non. Quel est ton pire souvenir? Mon pire souvenir? Bah, c'est quand c'est même plus poilu, c'est la forêt amazonienne. Oh ouais. Ouais, mais bon. Il y a l'odeur, il y a l'odeur qui va avec. Mais et voilà, je vous épargne les détails. T'as déjà eu des odeurs de dégueulasses? Ah oui, oui, non, mais c'est au point où je peux pas rester à côté de la patiente et je dois la transmettre à ma collègue. Non, mais attends, ça c'est dur. Mais avoue, Sophie, quand tu tires la bande de cire pleine de poils, tu kiffes. Ouais, par contre, voilà, c'est un plaisir après de voir le travail accompli, quoi. Et tu fais les mecs aussi? Oui, aussi, oui. Ah, c'est rare, ça. En général, les instituts, ils font que l'un ou l'autre. Et tu vois leur sexe ou pas? Bah, au mieux. Bah, oui, parce qu'on épile aussi les fesses. Évidemment. Okay. Ah ouais, évidemment, c'est peut-être pas facile, parce qu'il y a des mecs qui sont déjà excités. Ouais, bah ouais, je pense que c'est quelque chose avec les hormones, parce qu'il y a certains endroits qui sont assez sensibles. Comme chez nous, avec les sourcils, par exemple, on pleure ou ce genre de choses. Ouais. Je sais pas, on doit toucher quelque chose chez eux, je sais pas. Et du coup, est-ce que t'as déjà eu une idée qui t'est traversée par la tête ou pas, toi? Genre avec un mec beau gosse, tout ça. Non, j'en ai pas vraiment eu des beaux gosses. Tu sais, je pense avec que des gros sourcils qui est du noir. Après, t'es rarement excité par un mec qui a plein de cire sur les fesses, tu vois. Ouais. Ouais, mais bon. Aussi. Et j'ai pas eu ce plaisir là. Ok, bah écoute, merci de t'être confiée à nous là sur le Night Show. Merci beaucoup, chérie. Mais merci à vous, vous me faites bien rire. On t'embrasse, Sophie. Merci, bisous. Bisous. Ciao, ciao. Salut. On a Elias aussi qui est avec nous. Bonsoir, Elias. Salut les filles, salut toute l'équipe. Ah, salut. Alors Elias, dis-nous, c'est quoi pour toi le pire des tafs? En fait, c'est le père à mon pote qui est senteur d'aisselle. Mais non, ça n'existe pas ça. Je te promets que si. En fait, il doit tester les déodorants des gens. Ah oui. Et genre pour ça, ils doivent avoir un odorat surdéveloppé, tu vois. Ouais. Et après, les gens ils mettent du déo et puis ils sentent. Et puis ils disent si ça sent bon, si c'est mal fait et tout. Ouais, comme ça, les gens ils réajustent et tout. J'avais vu le truc aussi, Elias. Et donc en gros, ils doivent le sentir genre 5 minutes après la pose du déo. Puis après, ils reviennent 2 heures après. Et puis après, en fin de journée, pour voir si le déo est efficace et si ça sent toujours en fait. Oh, ouais, voilà, c'est ça. Mais à quel moment après, tu te dis dans ta vie, je vais devenir senteur d'aisselle? Bah, je sais pas, en fait, c'est genre. Enfin, déjà, faut avoir un odorat surdéveloppé, donc c'est pas accès à tout le monde, tu vois. D'accord. Et il kiffe le père de ton pote ou pas? Moi, je sais pas, il doit juste faire ça pour la thune parce que je crois que j'étais bien payé. Je crois que c'était 1 500 € par mois, un truc comme ça. Ah ouais. J'ai vu ça sur Internet. C'était pas mal payé pour juste sentir des aisselles, quoi. Ouais, c'est vrai, effectivement. S'il y a que ça à faire. Ouais, voilà, le mec, il travaille. Enfin, il doit en faire 10 par jour, même pas. Ah ouais. Et toi, Yes, tu veux faire quoi plus tard, toi? Moi, je vais faire ingénieur dans l'aéronautique. Wow, c'est précis. Ouais, ah ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon, tu dois être une tête un peu, non? Moi, ça, je me démerde. Ah, pas en français, mais en. Les matières scientifiques. Maths. Ouais, voilà. Ouais. En maths, SVT, physique. Tu peux être pilote de ligne et tout, en plus. Ouais, je sais. Mais bon, il a pas envie de dire ça. Bah, voilà, c'est. Ou alors informaticien, j'hésite encore. Ouais. Ok, et bah, écoute, Bichon, bonne chance à toi pour tout ça. En tout cas, merci de nous avoir appelé. Bisous, Elias. On t'embrasse. Bisous. Il y a Pedro aussi qui est avec nous. Pedro, figurez-vous qu'il a 19 ans, on l'a pas vu venir. Bonsoir, Pedro. Salut, les filles, ça va? Oui, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Bon, tu voulais réagir? Ouais, ben j'ai. Pour le pire métier du monde, franchement, c'est pas mon métier, hein, mais le pire métier du monde, c'est cariste. C'est ceux qui ramassent les bêtes mortes. Ouais. Ah bon? Bah oui, c'est ça, qui sont envoyés à l'abattoir en fait. Hein, Mais je sais même pas si ça part à l'abattoir apparemment. Moi, je sais que sur les vaches, on récupère le cuir, mais c'est tout. Mais franchement, ça, c'est le pire métier du monde, ouais. Et comment ça s'appelle? Cariste. Ah, c'est ça, ils font du carissage, ouais. Ils ont des camions bizarres avec des grues et tout. Oh, ouais, ça, c'est vrai qu'il faut avoir le cœur bien accroché quand même. Non, franchement, c'est horrible comme métier, c'est horrible. Et toi, tu fais quoi, Pedro? Moi, je suis technicien outilleur, je suis tourneur-fraiseur. C'est ce qu'on appelle. Et alors, ça sert à quoi de tourner cette fraise? C'est des métiers qui disparaissent en plus. Ben, on fait tout ce qui est pièces pour l'automobile, pour l'aviation, pour tout et n'importe quoi. Mais c'est hyper important, en fait. Tu n'as pas le droit à l'erreur, quoi. Ben, ouais, voilà. Enfin, ben, si on a fait l'erreur, évidemment, les pièces sont contrôlées et puis on recommence, quoi. Mais c'est bien payé, en plus. Ouais. Franchement, il y a de la demande de partout. S'il y a un jeune qui ne sait pas où aller, ce qu'il veut faire et qu'il est un peu manuel, franchement, je lui conseille d'aller là-dedans. Ils en demandent partout. Il n'y en a pas beaucoup, en plus, ouais. Non, franchement, ouais. Eh bien, écoute, toute la communauté tourneur-fraiseur t'embrasse, mon Pedro. Et merci de ton appel à l'emploi. Eh bien, c'est super, merci. Merci bisous d'avoir appelé, bisous à toi. Ciao, ciao. Salut. Ciao. Pépère, est-ce que pour toi, il y a un métier compliqué comme ça que t'aimerais pas faire? Bah, Pépère, lui, il trouve que le pire métier du monde, c'est professeur de l'école. Bon, c'est un joli métier, ça. Bah non, en fait, imagine, t'as plein de Big Mac devant toi et tu peux pas en goûter un. Moi, c'est pareil. Non, mec. Non, mais ça va pas, la tête. Il est pas bien ce mec. Hein. 01 42 48 5000. Numéro totalement gratuit. Appelez-nous. On est ensemble encore jusqu'à minuit. On a largement le temps de profiter les uns des autres. Et puis on vous en parle depuis tout à l'heure. Le Pokélost va débarquer. Vous piégez papa et maman. Là, on se retrouve juste après Jonas Blue sur Fun Radio. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time. I'm not playing no games. Yeah. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow will hold? We don't really need to know. 'Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. C'est Marion et Anso. On espère encore une fois que votre rentrée s'est bien passée. En tout cas, on se détend avec vous. Et puisqu'on parle de rentrée, on parle forcément d'Opération Bahut. Oui. Puisque Marion et Anso, Opération Bahut revient. Pour vous inscrire, c'est très simple. Vous êtes nombreux à me demander. marionetanso@funradio.fr. Vous envoyez votre prénom, votre âge, votre ville, votre numéro de téléphone, votre classe, pourquoi il faut venir chez vous plutôt que chez quelqu'un d'autre. Et puis vous pouvez aussi vous inscrire sur Twitter avec le hashtag marionetanso@opérationbahut. On les voit, vos messages, et je dois dire qu'on vous aime. Le Pokélost. Pokélost. Sur Fun Radio. On est très contents de ce jeu parce qu'on sait que vous l'aimez bien. Vous êtes nombreux à vous inscrire là sur marionetanso@funradio.fr. Je vous rappelle le principe, c'est très simple. Vous faites croire à papa ou à maman que vous êtes perdu en train de chercher de jouer à Pokémon, quoi. Ouais. Et puis bah s'il s'énerve et surtout s'il accepte de venir vous récupérer, c'est gagné. Vous repartez avec l'iPad à la maison. Tout c'est simple. Quand même pas mal. Et c'est Elodie qui joue avec nous ce soir. Bonsoir Elodie, tu as quel âge et tu nous appelles d'où, petite femme? Salut les filles. Alors j'ai 26 ans et je vous appelle d'Yvetot. Yvetot. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une ville entre Rouen et Le Havre. D'accord. D'accord. Ok, 26 ans. Mais alors, est-ce qu'à 26 ans, papa ou maman va flipper si toi, t'es en train de te perdre à Pokémon, là? Oh oui, parce qu'elle a très peur, en fait, parce que des fois, elle le sait que j'ai joué à ce jeu-là. Ouais. Donc, ça m'arrive de sortir dans des endroits même que moi, je connais pas, par exemple, dans une grande ville à Rouen, quoi. Et chaque fois, elle me dit, fais attention quand même à toi, quoi. Ouais. D'accord. Bon. Et j'ai pas encore coupé le cordon, on va dire, donc je suis sa petite fille. Ah. Tu viens encore chez tes parents, Elodie? Non, j'ai mon appartement. D'accord. Elle s'appelle comment, maman? Elle s'appelle Chantal. Chantal, et à ton avis, elle va accepter de venir ou pas? J'espère. Ok, est-ce que tu as une petite stratégie? Est-ce que tu as choisi des endroits un peu glauques comme ça? Oui, je vais lui faire croire qu'en fait je suis dans une forêt. D'accord, bien la forêt. Un Pokéstop et puis du coup je suis paumée. Ok, okay. Ça marche. Eh ben écoute, on appelle Chanchante, ma petite Élodie. La tatale. C'est parti, bonne chance à toi. Et ça se trouve, Tal, en fait, ça s'appelle Chantal. N'importe quoi. Ça serait tellement drôle. Ça lui irait bien, en plus. Allô? Oui, maman? Oui. Oui, c'est moi. Ouais. Je t'appelle parce que j'ai un gros souci, là, en fait. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ben, j'étais partie chasser les Pokémon. Enfin, en fait, il y a eu un Pokéstop dans la forêt. Et je voulais y aller parce que j'ai plus du tout de Pokéball. Et en fait, je me suis paumée et en plus, il y a un mec carrément chelou qui me rôde autour, quoi. Ah, ben, pourquoi t'as fait ça encore? Ben, c'est pour mon jeu, c'est pour ton Pokémon. Jeu. Attends, j'ai plus de Pokéball, fallait que j'aille en chercher, c'était plus près que j'ai trouvé. Oui, voilà. Et s'il fallait que je fasse éclore un œuf, ben, j'ai pas eu le choix. Ah ben oui, c'est ça. Tu rejoues à des conneries comme ça, puis maintenant t'es emmerdé. Ben, c'est pas des conneries? Non, c'est pas des conneries, arrête un peu ton cirque, là. Ben, c'est marrant, attends, c'était le film que j'ai, enfin, le dessin animé que j'ai regardé quand j'étais petite. Oui, oui, mais c'est pas de, hein, et maintenant tu fais comment? Bah, je sais pas, tu viens me chercher? Ah, mais là, j'ai pas le temps, hein. Bah, ouais, ah, mais oui, mais dis, hein, faut faire attention avant, quand même. Bah, ouais, mais là, je sais pas du tout où je suis. Tu veux pas vraiment pas télécharger l'application sur ton portable et puis venir me chercher? Ah, non. J'ai pas le temps du tout. Eh, sérieux, maman, il y a le mec qui me rôde autour. Ah, mais dis, tu veux que je fasse comment, moi? Bah, hein, oui, je vais pas à une baguette magique. Imagine, je sais pas, c'est un mec chelou, quoi. Non. T'avais qu'à pas faire ça. Maintenant, tu te débrouilles par toi-même. Et hein? Tu veux que je fasse comment? Je ne sais pas du tout où je suis. Eh ben, moi non plus. Je jure, il me fait peur. Eh ben, t'avais qu'à pas le faire. Maintenant, tu le feras plus. Voilà. Et j'avais pas le choix. J'avais plus de Pokéball. T'avais qu'à pas jouer à ça. Chez moi, j'ai pas pu l'attraper. En plus, il était rare. Non, t'avais qu'à pas jouer à ça, c'est tout. Hein, tu fais des jeux idiots, faut voir comme. Non, c'est pas idiot, des jeux. Oh, ben si, c'est idiot. Parce que bon, combien de coups qu'on en voit qu'ils font des conneries comme ça, et puis maintenant, ils sont emmerdés. Bah allez, tu viens me chercher. Non, j'ai dit non. Allez, s'il te plaît. J'ai pas le temps. Bon, tu m'énerves. Bon, prochain coup, tu feras pas ça, puis c'est tout. Tu viens me chercher. Non. Mais bon, Elodie, on y va. Bon, ben... Allez. Non, allez, Elodie, là. Ça m'énerve. Allez, s'il te plaît. Bon, ben, vite fait, hein, parce que là, ça commence à me gonfler, tes histoires, là. Et comme ça, après, je peux aller attraper le ratata à côté de chez moi. Non, ça, je vais pas recommencer, hein. Allez. Bon, ben, d'accord, allez, je vais venir quand même. Mais bon, vite fait, hein. Mais, du coup, tu fais comment pour me trouver? Tu télécharges l'application? Oui, je vais faire ça. Tu sais comment on fait? Ben, oui, hein, je vais bien y arriver. Et tu regardes, il y a un Pokéstop dans une forêt, pas très loin. D'accord, ok. Mais bon, ça m'énerve. Hein? Ça me saoule ton jeu. Hein? Bon, ben ok. Ah, bon, ça c'est une gentille maman. Bon, oui, ben recommence pas plus tard parce qu'après, je viens tout de suite parce qu'après j'ai plus le temps. Hein. Elle te prend pour Élodie, ouais, Marion. Chantal. Oui. Bonsoir Chantal, bonsoir. Ce n'est pas Élodie. Ah. C'est Marion et Anso, vous êtes en direct sur Fun Radio. Oh. Voilà, alors Élodie, rassurez-vous, tout va bien, elle n'est pas du tout dans la forêt, elle n'est pas perdue. Bon, d'accord. Et j'aimerais juste, avant de vous expliquer tout ça, féliciter Thibaut, notre Réa qui devait donc avoir pour mission de faire un mec qui fait peur. Ça n'a pas marché, dans j'ai la forêt. Et qui fait, allez Élodie. Voilà, hein, magnifique talent d'acteur. Bon, Chantal, ça va, vous n'avez pas trop été énervée? Un peu quand même, parce que... En tout cas, Pokémon, tout ça, on n'aime pas trop, hein. Mais non, pas trop. Petite, ça allait, mais ouais, la télé, mais quand... on voit les chercher, ça me fait un peu peur, moi, tout ça. Je comprends bien, ma Chantal. En tout cas, dites-vous un truc, c'est que grâce à vous, Élodie, elle repart avec son iPad, les gars. Bravo. Ah ouais. C'est très bien. Merci, Chantal, et bravo, Élodie. Merci. On vous embrasse toutes les deux. Bisous, les copines. Salut. Bon, les copains, dans un instant sur Fun Radio, on va rigoler ensemble. Alors, je sais, vous vous dites, c'est l'heure du sujet sexe. Oui, mais c'est un sujet sexe très, très drôle. On va accueillir Polo au téléphone. Polo, il a 38 piges, il vient de Clamart et il lui est arrivé un truc horrible. Il y a une nana qui lui a fait une demande un peu spéciale. Je vous dis pas maintenant, mais il s'agit d'une brosse à dents et d'une partie intime. Voilà. Voilà, bah, tout ce qui est brosse à dents et vagin, quoi. Voilà. Faites vos conclusions, mais pas que, Anso, pas que tu vas être surprise. Ça, ce sera juste après le son qu'on adore. Désolé pour la transition, hein, s'ils écoutent, mais c'est The Chainsmokers. Bombe Fun Radio, écoutez ça et kiffez. Hey, I was doing just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car and 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar and I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your the day I met you. I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay, Anso ? Ouais. Allô. Alors, qu'on vous explique, c'est le allô d'outre-tombe qu'on a entendu tout à l'heure quand on a essayé d'appeler quelqu'un en France, ça donne ça. Allô. Allô. Il est magnifique, mais ce allô, j'adore. Fou rire, mais je vois qu'on s'en remettra jamais, c'est pas possible. Jamais, la vidéo elle sera dispo bientôt là sur la chaîne YouTube Marion et Anso. Et si jamais ça vous intéresse, si vous êtes en voiture, que vous n'avez pas pu suivre tout ça, c'est Damien qui est sorti de Secret Story. Ouais. Damien, bah, sans surprise, on ne le voyait pas trop dans le programme. Alors apparemment, gros plébiscite pour Thomas, le premier homme enceinte au monde qui a eu plus de 50% des voix. Mais le pauvre, moi, il me fait de la peine parce qu'il sait pas parler français, quoi. Bah ouais, mais les gens le kiffent, la oui, preuve. Oui, mais quand on le voit dans le confessionnal, on comprend rien à ce qu'il dit. Bah ouais, mais cela dit, il va apprendre très vite le français, c'est bien pour lui quand même. Ah bah c'est sûr, dis donc. Hein. C'est une bien belle expérience. Pas pour sûr, Marion. Bon, je crois que c'est le moment de parler fionfion avec vous et gros dossier ce soir dans le Night Show. Oula. Sincèrement, je pense qu'on va pas... Moi, en tout cas, je pense que je vais passer cette dernière phase d'émission à me marrer. Oui. Polo est avec nous. Bonsoir, Polo. Salut, Marion. Salut, l'équipe. Big up à Pépère. Et surtout, ouais. Bonsoir, Anne-Sophie. Oula. Bonsoir, Polo. Oula. Ça va, alors, Polo. Votre halo me fait rire. Ça me fait juste penser à halo. Allô, ah, et donc c'est Picasso. Ah oui, à Ozone. Ouais, c'est vrai qu'il y a un truc. Mais franchement, mais c'est exactement le même. Le allô, c'est Picasso. Ah ouais. Il est pas. Bah, merci. Attends, toi. Bah, c'est pas tout de suite. Hein. Ouais, c'est dans longtemps, quoi. Ouais. Bon, bref, on te croit. Bon, mon Polo. Oui. Parlons peu, parlons bien. Tu as appelé le standard hier soir, je crois. Avant-hier soir. Avant-hier soir. Mais c'est pas grave, c'est pareil. Parce qu'il t'est arrivé un truc un peu incroyable avec une fille. Alors, une fille, je dirais pas ça. En fait, vous me paraissez, vous les femmes, les plus dégueulasses possibles du monde. Non, quand je dis vous les femmes, pas toi bien sûr. Mais j'entends des trucs qui sont totalement immondes. Et notamment une qui m'a mais foutu une gerbe. Mais quand je te dis une gerbe... Raconte-nous, Polo. Eh ben, j'ai rencontré une demoiselle fort sympathique, fort bien habillée, avec un appartement nickel. Et je me serais jamais douté d'un truc, c'est une fois dans son lit, elle m'a sorti une brosse à dents électrique. Ouais. Et elle m'a demandé de lui brosser la chatte et que je me lave les dents après. Donc le truc. Polo, arrête-toi parce que moi il va falloir que je récupère après avoir entendu ça. Ouais. Donc je te propose de rester avec nous et que on va te poser des questions parce qu'il faut que tu nous en parles plus sur cette fille. Ah quand même, mais y a pas de souci. Et puis vous qui nous écoutez, venez nous dire si on vous a fait des propositions comme ça un peu crado. Oh. C'est un des propositions improbables. Voilà, appelez-nous. Des propositions crades niveau qui on parle de ça. 01 42 48 5000. On revient tout de suite avec Polo. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance électro. C'est Fun Radio. Kungs. Martin Solveig. Lion. Ugel. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Bannure. Dans l'arène, il n'y a pas de loi. Le film événement de la rentrée. Si tu perds, tu meurs. Bannure. Nous avons été trahis par mon propre frère. Pour se venger, il va défier un empire. J'aurai ma revanche. Bannure. Un choc visuel. Un spectacle total en 3D. Gagne la course. Gagne notre liberté. Le 7 septembre au cinéma. Emmenez Fun Radio partout avec vous, avec l'appli Fun Radio, sur iPhone. Fun Radio. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, nah, nah. Together. là, tout de suite dans le Night Show, on va parler cul. I love that. Allez, tout le monde à poil. The Night Show. Sur Fun Radio. Et on parle cul avec Polo ce soir. Polo, il a 38 piges et il nous a appelé parce qu'il a eu une demande un peu chelou d'une meuf, hein, un plan cul qu'il avait eu. Alors Polo, tu vas me dire si je me trompe, mais en gros, t'es dans le lit avec la meuf. Et là, pas dormi, je me suis barré vite. Ah ouais, bon bah t'es dans la chambre avec la meuf. Là, la meuf te dit, écoute, j'aimerais bien que tu prennes la brosse à dents électrique, que tu me masturbes avec et qu'ensuite tu te brosses les dents avec cette même brosse à dents. C'est ça ? C'est exactement ça. Mais ça se brouille. Sans déconner, le sansodyne fluoréchat, moi, c'est un truc qui est pas possible. Mais attends, mais c'est Polo, un truc qui est pas possible. Oui. Polo, je veux savoir, t'as couché avec elle avant ou pas ? Ah non, c'était un coup d'un soir. Et franchement, quand elle a ouvert son putain de tiroir et qu'elle m'a sorti ça, mais c'est pas possible. C'est alors, pas possible. Mais Polo, franchement, toi, ça devient de réalité ? Ah mais pas une seconde. Moi, je vais te dire, nous, ça nous viendrait pas à l'idée. En revanche, il y a un côté vibrant dans la brosse à dents électrique, donc je peux comprendre que certaines filles, qui ont envie de s'amuser, puissent penser à ça. Ce qui est malsain, ouais, c'est de se brosser les dents avec après, quoi. Mais c'est ça. Mais déjà, non, mais qu'il y a un côté vibrant sur le clito, je peux comprendre. Oui, voilà. Mais lui insérer. Mais non, mais les gars, attendez, à quel moment c'est kiffant ? Ça, c'est une brosse qu'on t'insère dans le truc, c'est une brosse. Hein, oui, ça, mais ça, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Le pire, c'est que je me suis dit, mais à quel moment ça existe ? Et je suis allé sur Internet et j'ai regardé sur un site de cul, Brush, tu sais, tu fais une recherche, qui s'appelle Brush, et j'ai vu une meuf qui s'insérait une brosse à chiottes. Oh, non. Mais à quel moment vous êtes assez timbré? Mais attends. Déjà, je t'explique. Il n'y a pas que les meufs qui font des choses timbrées. Oui, non mais quand je dis vous, c'est pas oui, toi, c'est pas Enzo. Mais à quel moment on peut avoir cette idée-là? Bah je sais pas. Oui, Enzo, standard. Bah peut-être Polo, ta meuf, elle a des petites dents dans la petite tèche. Tout simplement. Ça. Ouais. Non mais. Elle a des quenottes. Ça je peux comprendre. Ah, mais il y a un moment, utilise du dentifrice. Et d'ailleurs, sur ce site, que je vais pas citer parce que je ne voudrais pas que certaines personnes qui écoutent et qui ne sont pas en âge à y regarder, il y a une meuf qui se fait ça, qui se nettoie la tuche, mais avec du dentifrice à la menthe, et elle a l'air de morfler, mais de kiffer en même temps. C'est aller sur un site architrage, franchement, à mon avis, ça doit être des trucs... C'est xvideo.com. Ça n'a rien de trash, mais attends... Je vous ai découvert cet été en écoutant des podcasts et vous parliez de... Il y a un truc où vous parliez de truc d'équitation où un gamin tombait sur une vidéo avec une meuf et un cheval. Et effectivement, j'ai tapé femme cheval sur Google et je suis tombé putain sur cette vidéo dégueulasse. Donc oui, ça existe. Justement, on parlait des vidéos à pas aller mater, donc bon, t'as fait tout l'inverse. Oui, effectivement. Bon, en tout cas, on a bien compris ton message. On a bien il compris. Il fait super bien le cheval. Ton cri du cœur, mon Polo. Tu sais quoi, on a du monde au standard. À mon avis, t'es pas le seul à avoir vécu comme ça des expériences un petit peu chelou. Eh bien, figure-toi que non, puisqu'il y a Fabrice de Strasbourg. Bonsoir, Fabrice. Ouais, bonsoir Marion, bonsoir Anto, bonsoir toute l'équipe. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ok, un peu plus dynamique maintenant. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ouais. Alors, Fabrice. Tout d'abord, j'aimerais bien commencer par un truc, parce que bon, j'ai fait un peu de retard, mais je m'en excuse, Anso. Happy birthday to you. Merci, enfin, voilà, Fabrice. Quoi. Et bref, donc à la base, enfin, donc, ouais, moi, j'avais un truc qui était... C'est aussi un peu bizarre, parce que du coup maintenant c'est mon ex, hein, bien évidemment, et elle m'avait proposé de faire un truc totalement dingue et un peu dégueulasse aussi, à la fois. C'était de faire ça dans les toilettes publiques. Donc c'est un peu gore quand même. Bah, ça dépend, t'as toilettes publiques et toilettes publiques, mais en règle générale t'as pas envie de t'y éterniser plus de 30 secondes. Non, quoi. Là c'est toilettes publiques quand même assez dégueulasse, ouais, avec de la pisse un peu partout. Enfin, ouais, mais quand t'as vraiment envie de ton mec ou de ta meuf, bon, est-ce que tu fais vraiment attention, quoi? Oui. Tu sais quoi, je préfère faire ça dans la rue Bah, plutôt que dans les toilettes publiques. Non, mais je veux dire, s'il est tard et qu'il n'y a personne, quoi. Tu ouais. vois. Non, mais c'est vrai que si elles étaient vraiment dégueulasses, je peux comprendre que ça t'ait bloqué. Ouais. Mais du coup, vous l'avez fait où ? Eh ben, du coup, mais je l'ai recalé et je lui ai dit que ça servait plus à rien qu'à me revoir, quoi. Ah, carrément. Bah, enfin, Fabrice. Bah, non, mais c'est dégueulasse. Hein. Mais en plus, elle avait d'autres désirs chelous après, mais je l'écoutais plus après. Parce que... Non, mais c'est pas une déviante. Que d'avoir envie de son mec, c'est pas une déviance que d'avoir envie de son mec comme ça en pleine rue. Oui. C'est-à-dire que tu pouvais lui dire, bah attendons d'être à la maison parce que les toilettes publiques, je la sens pas, quoi. Ben tu oui. vois ouais, mais non, elle voulait vraiment que les toilettes publiques et les limites chez nous, elle prenait pas de. Pas ah, de oui, kiff à... ah oui, d'accord. Ah voilà, quoi, c'est, oui. Non, elle était d'accord. vraiment chelou, elle voulait faire ça vraiment dans les. Je crois en fait, son délire, c'était elle voulait tester le maximum de toilettes publiques de la ville, quoi. D'accord. Donc, bah, écoute, c'est ton délire. un mauvais délire. Eh ben, en tout cas, merci d'avoir partagé ça avec nous, Bichon. Eh ben, y a pas de souci. Bonne soirée à vous, hein, et Pépère, je t'aime. Ouais, moi aussi. Bisous, Fabrice. Bisous, les filles. L'équipe, on va jouer ensemble. Je vais vous proposer des situations. Vous allez me dire si on vous les a déjà proposées ou pas. D'accord. Et si vous l'avez fait, vous pouvez me dire aussi. Hein. Vous léchez avec de la crème chantilly. Oui, ouais. Mais c'est nul, on a déjà dit, c'est nul la chantilly. Vous attachez au lit avec des menottes. Non, oui. Non. On te l'a déjà proposé ou tu l'as déjà fait ? J'ai déjà fait. Bien ? Ouais, c'est sympa. Ouais, moi aussi j'avais bien aimé. Vous filmez pendant l'acte ? Oui. Ah non, moi j'ai jamais fait. Et on te l'a déjà proposé ? Non. Bah, tu déconnes. Non, on m'a jamais proposé de me filmer. Ah bon, Amir, on t'a déjà proposé ? Non, mais je l'ai fait quand même. Ouais, non. c'est assez courant quand même. Vous léchez le derrière ? Ah non. Ah non ! Attends, je comprends pas. Bah, faire des léchouilles derrière, quoi. Non, mais qu'on me le fasse à moi ou... Ouais. Oui, bah oui. On t'a déjà proposé, on te l'a déjà fait. Oui, oui, oui. Oh, d'accord. On toi aime aussi, bien non. Bah, ouais, mais on aime pas trop ça chez moi, donc bon. Moi non plus, mais bon. De vous faire uriner dessus. Oh, non. Ah, moi, on me l'a déjà proposé. Je l'ai pas fait, mais il y a quelqu'un qui m'a déjà proposé, ouais. Et est-ce qu'il t'a déjà expliqué pourquoi il avait envie de faire ça? Ben, non, parce qu'on était dans la rue, il me dit, je lui dis, j'ai hyper envie de faire pipi, j'ai trop hâte qu'on soit chez toi. Et il me dit, ben, ça te saoule si tu te retiens et qu'on se met tous les deux dans la douche et que tu fasses pipi dessus. Ah ouais, et je lui dis, écoute, oui, ça me saoule, là. Personnellement, je préfère garder ça dans l'intimité. D'accord. D'avaler la semence de votre partenaire. Oui. Oui, bah oui. Les garçons? Ouais. Non, j'ai jamais avalé, moi. Faire un 69. Ouais, mais c'est compliqué le 69. Hein. Ouais, moi je suis pas fan non plus. Moi, il y a trop de concentration. De vous introduire un objet par derrière. Non. Non. Non, jamais proposé. Non. Non. De vous faire un face fucking. Alors ça, je connaissais pas. Tu sais ce que c'est ou pas? Non. C'est faire l'amour à votre visage, c'est-à-dire c'est une fellation hyper brutale. Genre ah oui. Fellation pénétration quoi. Mm. Déjà fait? Ouais. Bah, d'accord. Sympathique? Bah ça dépend. Ouais, si c'était sympa. Ok. C'est quand même très particulier. Hein. Faut ouais. avoir bien confiance en la personne et tout. Mais une expérience sadomaso. Non, m'a jamais non. fait et jamais proposé. Ok, faire la mort dans un endroit public, oui. Ouais. Oui, j'ai ah proposé. Ouais. Flatuler au visage de votre partenaire. Oh alors là, pas du tout, pas une seconde. Ah. Et il y a des gens qui kiffent ça. Hein. Je suis désolée. Hein. Oh non. Alors celui-là, il est bizarre. Écoutez, participer à de l'auto-zoophilie. Hein? Non, c'est pas trash, vous inquiétez pas. En fait, c'est se prendre pour un animal pendant l'acte. Ah. C'est-à-dire que tu t'imagines être un animal quelconque pendant l'acte. Bon, bah non. Hein, Personne n'a déjà fait ça? Non, non, non. Ok, faire l'amour en couche-culotte. Ah, bah non plus. Hein. C'est glauque. Ça s'appelle bébé, de l'infantilisme. Ouais. Et il y a des gens qui kiffent ça, bah je suis désolée. Un cuni pendant les règles. Oh ah non, non, non, non. Bah, il y a un pote d'Amir qui a eu un délire comme ça, non? C'est ça, Amir? Ouais, ouais, il y a un de mes meilleurs potes. Sa meuf, elle avait ses règles, bon, il savait pas au début. Et il est descendu pendant qu'elle dormait, elle lui faisait un cuni. Oh il s'est ah rendu oui, compte. Elle dormait. Elle dormait, ouais. Il s'est rendu compte qu'elle avait ses règles parce qu'il a vu le petit fil du tampon. Et avec ses dents, il a arraché le fil. Oh non. C'est sorti. Et après, bah, en fait, il a continué. Oh et en fait, il a une barbe et il m'a dit quand je me suis. Enfin, quand il est sorti de ses cuisses, il avait plein de trucs, plein de. Oh là là, arrête, arrête, arrête. Bon, ça part dans le trash, on n'aime pas ça. Appelez-nous. Ah, c'est trash, mais c'est sa vie, hein, j'y peux rien. Oh, ça me dégoûte. 01 42 48 5000, si vous aussi on vous a déjà proposé un truc comme ça que vous jugez trash, parce que le trash des uns n'est pas forcément le trash des autres. Toi, tu nous as pas dit Marion, tiens. Alors moi j'ai une copine, on lui a proposé une fois de lui cracher dans la bouche. Ah, voilà. C'était ah ouais. pas moi par exemple. Eh ben si, c'est toi. Cette expérience incroyable. Alors ça pour moi, tu vois, c'est complètement trash. Je sais que pour toi non, mais moi non. Non, non, mais j'ai pas dit que c'était pas trash. Je conçois tout à fait qu'on puisse trouver ça trash. Mais en l'occurrence, c'est pas trash avec cette personne-là. Et dans ce moment-là, c'était plutôt une preuve de tendresse qu'autre chose. Oui, vous respectez Désolée. Et tout, je peux comprendre. Hein. Bah oui. Mais juste moi-même, mon mec que j'aime plus que tout, il peut pas me cracher dedans. Quoi. Mais dites, quand tu roules des pelles à ton mec, tu t'échanges bien de la salive. Bah là, c'est pas pareil. Sauf non. que ça arrive en plus d'abondance. Voilà, c'est tout. Ouais, bah, chacun son délire. Il y a Perrine de Lyon qui nous a appelé. Bonsoir, Perrine. Bonsoir Marion, bonsoir Anto, bonsoir à toute l'équipe. Ça va Perrine? Salut. Ça va très bien, merci. Alors dis-nous, qu'est-ce qu'on t'a proposé à toi? Eh ben moi on m'a proposé comme Anto, on m'a proposé de me pisser dessus et plus précisément dans la bouche. Oh, oh non. Ah non. Oui, alors moi c'était pas dans la bouche par contre. Ah bah non, un peu de voilà. Mais pourquoi il voulait faire ça? Allez. Je sais pas. Tu sais pas? J'ai pas osé lui demander, j'ai juste refusé, je suis partie. Mais tu l'as pas fait? Non, je l'ai pas fait, non. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Il y a des limites à ce que je peux supporter quand même. Mais en plus, il y a des choses que je peux comprendre. Tu vois, tu parlais par exemple de la fellation qui est un peu plus brutale, tu vois. Il y a cette espèce de côté très dominant qui peut être ultra excitant pour le mec, je pense que ça vient de là. Mais ça. Je vois pas où est la domination, où est, tu vois. Bah après, je sais que ça s'explique parce qu'il y en a beaucoup hein, qui sont intéressés par ça. Comment ça s'appelle ceux qui aiment ça, le côté scatophile, c'est ça? Ouais. Mais ça, moi, ce que je comprends pas, c'est quand vous êtes dans ce genre de délire-là, il y a des sites spécialisés, il y a des gens qui aiment ça, donc allez chercher ces gens-là. Tu vois, une nana comme ça que t'as draguée sur Tinder, tu lui proposes ça au premier date. Mais c'est peut-être ça qui est un peu excitant, du coup, parce que si tu rencontres des gens qui sont remplis de déviance comme les tiennes, c'est pas des déviances, hein, c'est des kiffs, tu vois. Oui. Mais après, tu te doutes bien que tu vas choquer ou en tout cas plus repousser une nana en lui proposant ça, tu vois, si elle est pas prévenue, si elle est pas dans le délire, je sais pas. Ouais. Enfin, en tout cas, t'as 99% de chance de la repousser, quoi. En tout cas, Perrine, tu t'en es sortie, nous sommes fiers de toi. Merci. On t'embrasse, ma belle, passe une bonne soirée. Bisous, merci à vous aussi. On embrasse aussi Polo qui nous a appelé. Bisous à toi, mon petit chat. Et puis il y a Miko C qui est là avec nous pour Party Fun. Bonsoir, Miko. Salut, Miko. Ça va et toi? Très bien. Miko, on est en train de parler des propositions crades au lit. Ça t'est déjà arrivé qu'on te propose un truc un peu chelou? Crade au lit, non. On m'a proposé de faire ça à la radio. Ah bah c'est pas crade, c'est cool. C'est pas crade, ça. C'est stylé. Cool. Ouais. Bah, terrasse. Sauf si c'est dans les toilettes de la radio, là c'est crade. Ouais. Parce qu'elles sont dégueu. Ouais. Ou alors non, tu vas dans la douche qui est derrière les toilettes, enfin à droite des toilettes. Pas bête. On sent l'expert. Et du coup, t'as accepté ou pas, Miko? Bien sûr. Et ben voilà, félicitations. Oh Miko. Félicitations. Bon, en tout cas, nous on vous retrouvera dimanche soir en direct à partir de 22h. Nous partons au week-end. On va faire une grosse stuff d'équipe pour mon anniversaire demain soir. Suivez, on fera des snaps un peu, on fera les fionfions avec vous. Et puis, juste avant de vous quitter, j'aimerais savoir ce qu'on a retenu ce soir. Vous avez retenu quoi dans l'émission l'équipe Marion? Moi, c'était le Pourquoi tu m'appelles qui m'a fait marrer, le fameux. Allô. Ah ouais, t'es magnifique. Amir des réseaux sociaux. Bah moi j'ai retenu que Anso adore qu'on lui crache dans la bouche. Oui, bon ouais, ça va. Enzo standard. Moi j'ai retenu que la prof d'Amir adorait qu'on lui pissait dessus. Ah bah c'est exactement ce que j'ai retenu moi aussi. C'est Amir qui fait pipi sur sa maîtresse en maternelle. Et puis toi Thibaut à l'aria? Bah moi j'ai retenu que toi Anso t'as passé la nuit avec un mec cette nuit. Ça marche. Oui. Bon bah je ne poserai plus jamais la question. Bon, on se retrouve en direct dimanche soir à 22h. Vous nous trouvez sur notre chaîne YouTube Marion et Anso. Et puis on vous embrasse. Oui. Allez, on finit en chanson. Ouais, c'est parti. Est-ce qu'on était content d'être là? Bravo. On était content d'être là. Merci beaucoup. Safe distance from receiver and speakers is strongly recommended. Get up, erase the barricade. Party. Party. Fun. Get up, erase the barricade. Dance. Electro. Miko C. Mix. Party Fun. Party Fun. La première émission Dance Electro de France. Et tous les soirs, après Marion et Enzo, c'est Party Fun, jusqu'à 1h du matin sur Fun Radio. Ça m'inquiète d'avoir Enzo derrière. Miko C. C'est Enzo Tuche. Party Fun jusqu'à 1h du matin sur Fun Radio avec The Power Kid, avec Sam Felt et Lucas and Steve, avec le Summer on You. Il me reste quoi dans l'oreille? C'est Judo, quoi? Ça va mal finir cette histoire. Et Kungs avec Don't You Know, on y va, Party Fun. C'est en direct jusqu'à 1h du matin. Ce game fait peur, vraiment, je vous jure. Yeah. I'm gonna rock you. I'll be right here to spend the summer on you.